Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute d'une radio libre, Radio Guémozo. Bravo, c'est bien. Alors, émission ce soir en mosaïque. Alors, le programme de ce soir, eh bien, la malédiction des deuxièmes mandats. C'est l'INA, Institut National de l'Audiovisuel, qui nous informe. Ensuite, Journal du maire de Saint-Dié 1940, la façon dont les choses se sont passées au mois de mai, juin 40 à Saint-Dié et un peu partout dans les Vosges. Hein, voilà. Coluche, nous, dans les manifs, on est obligé de taper. Hein, Coluche, nous, dans les manifs, on est obligé de taper. CNRS, propagande politique sur disque. Les grandes invasions, les Huns, les Vandales, les Visigoths, les Ostrogoths, les Alains. Et puis, tout ce monde-là finit par arriver plus ou moins en Gaule, s'installer, ou le pour que passer. Enfin bon, voilà. Hein. La séparation de l'Église et de l'État. Conférence, ligne droite, la force de l'imaginaire contre les bien-pensants. Ensuite, question au gouvernement, hausse des salaires. Si on s'accordait de travailler là où s'arrêtent nos fiches de paye. Et puis une petite revue de presse. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Bonne soirée. solutions. C'est la menace brandie par Emmanuel Macron, faute de majorité absolue pour gouverner. Car le président de la République le sait bien, les seconds mandats finissent mal en général. Usé, De Gaulle, Mitterrand et Chirac ont tous fini par sombrer dans l'immobilisme. 1965, De Gaulle. Pour lui, l'élection est une formalité. Les Français savent ce qu'ils lui doivent. Chacun de vous aura l'occasion de prouver son estime et sa confiance. Pourtant, il est mis en ballottage face au jeune Mitterrand avant d'être élu. Quelque chose se casse dans sa relation avec le peuple. Principale fracture, mai 68, et ce slogan hostile au général de Gaulle. 10 ans, ça suffit. 1969, il personnalise le référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, solennellement sur ce sujet capital, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Sa prédiction se réalise. De Gaulle ira s'isoler à Colombey les deux églises sans même faire ses adieux au peuple français. 1988, deuxième mandat de Mitterrand, mais avec une majorité relative à l'Assemblée. Puis, lors des législatives suivantes de 1993, la droite l'emporte. Nouvelle cohabitation. Mes chers compatriotes, en élisant une majorité nouvelle, très importante, à l'Assemblée nationale, vous avez marqué votre volonté d'une autre politique. Il est affaibli par la maladie, les coups durs s'enchaînent. Son ancien chef de gouvernement, Pierre Bérégovoy, se suicide dans des circonstances troubles. Et la presse révèle l'existence de sa fille naturelle, Mazarine Pinjot. Puis, son passé croix de feu est vichyssois. Il doit se défendre publiquement. Je n'ai jamais été, par tempérament, par habitude et aussi par l'enseignement de mon père et de ma mère, je n'ai jamais été hostile comme ça, instinctivement, jamais sensible au racisme. 2002, Jacques Chirac. Après sa victoire en trompe-l'œil face à Jean-Marie Le Pen, il nomme Jean-Pierre Raffarin Premier ministre qui sera taclé pour son immobilisme. Chirac assiste impuissant à la montée d'un ministre qui sera élu après lui, un certain Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas de différent entre le ministre des Finances et moi. Pour une raison simple, c'est que notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute. Un vœu pieux. Il termine son mandat sur l'échec de son référendum sur la Constitution européenne. Il ne s'en remettra pas. C'est votre décision souveraine et j'en prends acte. Qui era umi, la felicion havis dieci, vivo brilis kiel sun radi, hodiaŭ okazis tragedi, ciam mi trovis helpon de l' cio pova di. Ciù mi perdis grazon nun delli, char cun mi blu ne estas sci. Cial sci forlasis min sen antau prepar. Venas al mi timoi prihebla mia era. Amis reciproque cun passi, ecas nun de amo l'agoni, temp de priplor cae nostalgi. Ciel povas revoi cindrigi dum moment, eble dauri sen turment. Shainas mi disbatita de la vent foli, accompanos min ci emosi, profunde amis qui era o me. Same facile allude poesie, comenzigas gia agoni, tempe de priplor cae nostalgi. Sbattita dalla vente foli, accompagnos minici emozi, profonde amis hieraumi. Apprenant que le quartier général des étapes prend ses dispositions pour se replier sur l'automne. Un premier départ se fait sur le soir. Ce repliement ne nous dit rien qui vaille sur la marche des affaires militaires. La population s'en rend compte comme nous et les commentaires ont leur train. On est plutôt malveillant à l'égard des militaires des étapes. Un coup de téléphone venant de la coopérative militaire de Rouen-l'Étape nous invite à envoyer voitures et camions à cette coopérative qui distribue des marchandises à tous ceux qui se présentent. Bonne aubaine, comme nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve en ce qui concerne le ravitaillement, nous donnons des ordres de suite au service automobile qui se rendra demain à cette coopérative pour y charger et en ramener ce qu'on voudra bien nous donner. 20 000 boîtes de sardines furent rapportées. 14 juin, à 8h30, un message arrive de la gendarmerie où tous les affectés spéciaux, quels qu'ils soient, sont rappelés. À midi, après que la majorité des usines groupant des affectés spéciaux ont été désertées puis arrêtées, arrive le capitaine Lampeur qui donne contre-ordre et demande à chacun de rester à son poste. Le public perd déjà son sang-froid. Quelques gendarmes s'affolent malgré l'invitation au calme que nous adressons à tous. Beaucoup de femmes pleurent, quelques-unes partent après de hâtifs préparatifs. On s'attroupe devant la mairie et chacun commente les événements à sa façon. On ne cesse de nous consulter, de nous demander des nouvelles, des conseils. C'est très pénible. On nous accuse même de dissimuler la vérité sur les événements. Hélas, nous ne sommes pas renseignés du tout. À 15h, le général Richter, général commandant les étapes à Saint-Dié, vient nous faire ses adieux. Mauvais présage. Le camion qui est allé à la coopérative de Rouen montre chargé de boîtes de sardines et de boîtes de jambon que nous faisons déposer à l'hôpital. Ces marchandises seront plus à l'abri dans cet établissement que partout ailleurs. Il jouit, pensons-nous, d'une certaine immunité en cas d'invasion. Une dépêche préfectorale nous arrive au sujet des affectés spéciaux, de la police, des employés, des pompiers, leur enjoignant de rester à leur poste. Vers 17h, nous sommes avertis que la gendarmerie s'embarque précipitamment en camion pour quitter Saint-Dié définitivement, ce qui n'est pas sans provoquer un peu de colère et des commentaires peu bienveillants pour les gendarmes. À 19h, nous déléguons le brigadier Ancel à la gendarmerie, avec mission de prendre copie d'un certain nombre enjoignant aux jeunes gens de quitter Saint-Dié pour la direction de Dijon. Voici cet ordre qui fut copié en plein déménagement. Cela ressemble plutôt à une fuite et une retraite ordonnée d'île publique. 20e région à 20e légion. 1. Le repliement est ordonné au personnel en direction de Dijon, sections et compagnies. Des trucs archives ne pouvant être facilement emportés. Départ à la diligence du colonel par ses propres moyens. Mouvement roi de terre par moyen de la légion qui se servira au besoin de la réquisition. 2. Hommes dans leur foyer, soumis aux obligations militaires et jeunes gens de 18 à 20 ans à replier avec brigade de gendarmerie. 3. Gardes territoriaux en uniforme et armés de fusils de guerre à replier avec section gendarmerie. Direction générale Dijon. Gardes territoriaux sans uniforme ni arme de guerre, dissoudre. 4. Laisser un poste de gendarmerie à chaque départ pour orienter sur Dijon les affectés spéciaux rappelés. Le capitaine de gendarmerie signé illisible, reçu le 14 juin 1940 à 19h30, signé Jacques Rez. Nous faisons aussitôt diffuser cet ordre par haut-parleur. C'est alors la ruée vers la mairie et le commissariat de police de tous ceux qui demandent et veulent des explications, des éclaircissements, des conseils. Jusqu'à 23h, nous exhortons ceux qui sont déjà dégagés d'obligations militaires à rester chez eux. Certains écoutent, beaucoup ne nous écoutent pas et se lancent sur la route de l'exode inconsidérément. La fuite est perdue et déclenchée avec la panique et toutes ses désastreuses conséquences. Vers 21h, une voiture stationne devant notre porte et on charge des bagages. Ce fait, de peu d'importance en soi, a eu des conséquences énormes et fâcheuses. En effet, un passant attardé, ayant probablement vu cet équipage devant chez moi, a répandu le bruit que je m'étais enfui dans la nuit avec le sous-préfet. Dès le petit jour, tous syndicats commentaient la nouvelle. Les hésitants n'hésitèrent plus et prirent la fuite à leur tour, et beaucoup, suivant le mouvement, augmentèrent encore la panique qui devint générale. Dès le matin, Mecker et Evra, mes adjoints, essayèrent bien de réagir en démontant, mais rien ne pouvait arrêter le mouvement. 15 juin, vers 4 heures, le courant électrique est coupé. Il ne sera rétabli que le 9 juillet. Ce sera désormais l'obscurité totale partout. Tous les moyens de fortune seront employés pour l'éclairage. Pétrole, bougies, rats de cave, lampes pigeons, veilleuses, etc. Le directeur du gaz, par suite de l'absence de courant, arrête l'usine, ne pouvant plus actionner sa machinerie, élévateur de charbon, wagonnet, transporteur, etc. Deux dames fonctionnaires des contributions directes m'apportent deux sacs de documents. Elles ne savent que faire. Moi non plus, hélas. In extremis, nous pouvons encore faire verser 3 millions à la caisse d'épargne et on remboursera à guichet ouvert jusqu'à épuisement. Nous obtenons en grand panne 40 000 francs au profit des hospices avant la destruction du trésor restant. À 19h, le sous-préfet m'annonce que tous les affectés spéciaux, sans exception, doivent se diriger sur Dijon sans délai avec 3 jours de vivres. Cet ordre m'est confirmé par une dépêche préfectorale reçue à 21h. C'est la désorganisation de tous nos services municipaux, travaux publics, sapeurs-pompiers, etc. La situation devient grave et s'assombrit pour nous de plus en plus. 16 juin, les faux bruits courts sont à la mode et à l'ordre du jour. C'est inimaginable ce que le public peut fabriquer de fausses nouvelles et la vitesse à laquelle ces bobards circulent et se répandent. Effrayés de l'ampleur prise par ces bruits, nous sommes obligés de faire apposer une affiche invitant la population à se mettre en garde contre les fabricants de fausses nouvelles et ceux qui, en leur prêtant une oreille complaisante, s'en font les propagateurs. 17 juin. De toutes parts, les réfugiés affluent. Des trains entiers, une vingtaine en amont d'un aval de Saint-Dié, déversent sans arrêt leurs occupants sur notre ville. Les vivres manquent. Tous se ruent à l'assaut des magasins qui n'arrivent plus à les satisfaire. D'autres arrivent par la route, à pied, en voiture, en vélo, qui manquent de ravitaillement. Devant cette détresse, nous devons organiser des soupes au beau collège, au séminaire, à la Providence. 1800 de ces soupes sont distribuées à midi et le soir. Et c'est encore insuffisant, nous n'avons pu satisfaire tout le monde, surtout les attardés. L'incidence la plus fâcheuse de l'absence du courant fut l'arrêt de tous les pétrins mécaniques. Il fallait du pain et tout de suite. Gros problème à résoudre sans délai. Que faire? Nous envisageons tout d'abord de faire fabriquer des pétrins de fortune en bois et à bras. Mais nous manquons de bras précisément. La solution est mauvaise et irréalisable. Il faut trouver autre chose. Quoi? C'est alors que nous pensons envoyer de petits moteurs agricoles à essence pour chacun des pétrins. Nous réquisitionnons illégalement du reste, mais en cas de besoin, il faut savoir prendre ses responsabilités. Tous les moteurs que nous trouvons sur place d'abord, et encore à Corcieux, à Bande-Lavine, à la Croix-aux-Mines, etc. Nous les faisons démonter, non sans recevoir d'amers reproches des propriétaires, des menaces même, et scellés dans les fournils de Saint-Dié, et nous éclairons les boulangeries avec des lampes tempêtes que nous avions en réserve, heureusement. Les boulangers militaires que nous demandons viennent renforcer nos faibles équipes et nous pouvons enfin assurer la fabrication du pain pour les 60 à 70 000 bouches que nous avons en charge. Mais notre stock de farine est sérieusement mis à contribution. Pourtant, nous avions pris toutes sortes de précautions de ce côté-là. Mais jamais nous ne pouvions nous douter que nous aurions une pareille affluence de monde à nourrir. Un Israélite vient nous voir et nous dit qu'il est propriétaire de 90 sacs de farine entreposés à Sainte-Marie. Il y a des risques, de très gros risques, à courir pour s'emparer de ce stock, mais qui ne risque rien à rien. Nous équipons des camions qui tentent et réussissent l'aventure. Et malgré la résistance et les cris de notre collègue maire de Saulcy, nous nous emparons encore d'une partie de la farine entreposée au moulin Rohr. C'est en même temps la course à l'essence que nous faisons récupérer partout au fur et à mesure que des dépôts nous sont signalés. Le général Condé installe son quartier général au Beaujardin et le quartier général des Étables, qui n'a pu rejoindre Auteuil, vient se réinstaller rue du Nord. De nouvelles troupes arrivent sans cesse et campent un peu partout et au petit bonheur. On a le sentiment d'assister à une retraite désordonnée, pour ne pas dire une débandade. On a l'impression que le commandement n'a plus la maîtrise de ses troupes. On remarque que les cadres manquent. Mais où sont-ils? Nous commençons à mesurer le poids et la longueur du pénible calvaire que nous allons monter dans les jours qui vont suivre. Que nous réserve l'avenir proche, localement parlant et nationalement aussi? Aurons-nous le courage de faire face à tous les événements qui nous guettent? J'ouvre ici une parenthèse à usage interne. Lors du montage de l'émission, ou des émissions, il apparaît nettement que ce paragraphe consacré au général Condé et à ses troupes en débandade recoupe très curieusement ce que le Herr Dr. Richter, correspondant de guerre, a écrit dans son article sur la capitulation de Saint-Dié, que je vous ai traduite. 17 juin. De notre mieux, nous nous efforçons de persuader tous les réfugiés que nous rencontrons d'essayer de regagner leur domicile par tous les moyens en leur pouvoir, et nous leur distribuons des milliers de laissez-passer qui valent ce qu'ils valent. Quant aux Alsaciens, il ne leur sera pas possible de traverser les crêtes des Vosges, mais ils peuvent s'employer utilement dans les villages des environs qui manquent de main-d'œuvre. Ils y trouveront à vivre plus facilement qu'ici. Nos conseils sont heureusement suivis par beaucoup qui quittent Saint-Dié, nous évitant peut-être la disette. Mais, par contre, d'autres arrivent encore. Nous distribuons 1500 soupes à ces pauvres affamés. La situation devient de plus en plus grave sous tous les rapports. Saint-Dié, contre notre gré, a pris figure de place forte. Toute la périphérie et le centre sont garnis de mitrailleuses et de DCA. Une batterie est même installée dans l'hôpital Saint-Charles, tout près de la maternité encore. Nous protestons vigoureusement, obtenant enfin que cette batterie mal placée soit enlevée. Mais que de difficultés avons-nous rencontrées? D'autre part, un bataillon arrivé depuis 8 jours a procédé, malgré nos réserves et nos protestations, à certains travaux de mise en défense assez peu justifiés. C'est ainsi que les entrées de Saint-Dié sont hérissées de barricades en chicane et de rails plantés debout. Les rues d'Alsace, des travailleurs, des trois villes, sont barrés par des murs de maçonnerie. La passerelle de l'épargne elle-même est équipée ridiculement pour la faire sauter. Les chambres de mine de tous les ponts sont visitées et prêtes à être chargées. Cependant, sur notre intervention, on nous promet que les charges ne seront placées qu'à toute extrémité. La promesse fut tenue. Nos inquiétudes, déjà grandes pourtant, augmentent encore devant tous ces préparatifs. Que restera-t-il de Saint-Dié si on persiste à mettre notre ville en état de défense? Nous faisons une démarche près du chef de bataillon qui est chargé de ces travaux. Il regrette de ne pouvoir nous donner satisfaction. Il exécutera les ordres qu'il a reçus. Que faire et que peut faire un civil, fut-il maire de Saint-Dié? Il ne nous reste plus qu'une planche de salut. C'est de demander une audience au général Condé et lui dire toutes nos angoisses de voir notre ville sous le feu et rasée. Et, pour renforcer notre autorité, nous faisons une démarche près de Mgr Marmontin et des deux archiprêtres Minot et Févé, les priant de m'accompagner dans mon intervention au quartier général, ce qui est accepté sur le champ par ces messieurs qui se tiennent à ma disposition. À 10h, nous sommes au Beaujardin, où nous sommes reçus dans la cour par un colonel, chef d'état-major du général. Cet officier nous demande le but de notre visite. Prenant la parole au nom de la délégation, j'explique que notre ville, comportant 20 000 habitants, doit être considérée comme ligne ouverte, ainsi que le proclame tous les jours la radio officielle. Or, présentement, on multiplie les moyens de défense tout autour de Saint-Dié, comme si on voulait offrir une résistance à outrance, ce qui nous paraît tout à fait intempestif et puéril. Dans ces conditions, nous demandons au général grâce aux femmes et les enfants de Saint-Dié. Au surplus, nous prions le général de faire donner à notre cité le visage de ville ouverte qu'elle doit avoir et qu'elle a perdu du fait des semblants de fortifications dont on l'a entouré. Le chef d'état-major nous prie d'attendre les quelques instants qui lui sont nécessaires pour transmettre au général ce que nous venons de lui exposer. Après 5 minutes d'attente, le colonel nous rejoint pour nous dire que le général, étant très pris, regrette de ne pouvoir nous recevoir pour l'instant, mais que nous serons vraisemblablement convoqués demain à ce sujet. Nous nous retirons, non sans qu'il soit convenu que nous nous trouverons à la convocation du général. Il était 10h. Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi, marchez sur l'eau sans se mouiller les uns les autres. Les voilà qui suivent aussitôt. Jésus-Christ a donc ses comiques, inventé le ski nautique. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ dit qu'on m'apporte quelques pains, quelques poissons, je les multiplie par millions et les Hébreux se réconfortent. Jésus-Christ a donc quelle malice, inventé le self-service. Alléluia, alléluia. Dans le silence du jardin des oliviers, qui je voudrais m'accuser de ma désobéissance. Jésus-Christ a donc ses tuniques, inventé l'autocritique. Alléluia, alléluia. Je suis le sauveur attendu, et lorsque vous ne m'aurez plus, vous pouvez vous attendre au pire. Jésus-Christ a donc quel cynisme, inventé l'après-gaullisme. Alléluia, alléluia. Je ne nous aime pas parce que c'est flagrant, c'est dans les manifs. Parce que nous, dans les manifs, on est obligé de taper, hein. On le fait pas pour le plaisir, hein. Ils nous obligent. Non, puis on fait gaffe parce que dans les manifs, il y a les fils dégradés, ils ont les cheveux jusqu'à là, je les reconnais pas. Ah ouais, puis il y a les appariteurs dans les manifs. Eh, les appariteurs, c'est les flics en civil comme dans les manifs, alors. C'est eux qui cassent les vitrines, tout ça, pour dire que c'est les ouvriers, les étudiants.

c'est le projet PS2X, abréviation de propagande sonore enregistrée au XXe siècle. Son but, permettre aux historiens de s'emparer de cette matière encore très peu exploitée. J'ai commencé à m'y intéresser complètement par hasard, au détour d'une recherche internet. Et de là, j'ai commencé à considérer l'importance qu'avait le disque en politique, l'importance qu'avait le son en politique. Les supports sont assez accessibles. Beaucoup sont conservés ici, à la BNF. En revanche, tout n'est pas forcément accessible. Il faut multiplier les sources d'écoute. Cette dispersion des supports rend la recherche assez compliquée, en fin de compte. Mais alors, ces disques, que contiennent-ils ? Eh bien, beaucoup de discours, mais aussi des chants militants ou populaires, comme ceux qu'on entend dans la première série de disques de propagande sonore produite en France. C'est la SFIO, l'ancêtre du Parti Socialiste, qui ouvre le bal avec la chanson « Ouvrier, prends la machine ». Prends la machine, prends la terre, paysan. Ce sont des chants qui sont censés être joués dans les fêtes ouvrières, dans les foyers militants. Et ça fait des jaloux, puisque l'Action française, qui remarque la sortie de cette série, sort sa propre série de disques royalistes. Les discours enregistrés apparaissent quelques années plus tard. Sur ce disque, on entend le futur président du Conseil, le socialiste Léon Blum, en 1929. De quoi est né le socialisme ? De la révolte des plus nobles sentiments de l'âme humaine, blessée par la vie, méconnue par la société. Travailler sur du son, c'est une façon complètement différente que de travailler sur uniquement des pochettes de disques ou des écrits ou des récits historiques. On va entendre des orateurs qui ne sont pas toujours très familiers du micro et qui peuvent trébucher un peu. Mais on va aussi entendre éventuellement des montages. Quelqu'un qui va annoncer l'orateur, comme si l'orateur montait à la tribune d'une vraie réunion politique. Donc quand on a accès au son, on a vraiment accès au cœur de la propagande sonore enregistrée. Et donc on peut vraiment travailler sur cet objet. Pour permettre aux chercheurs d'entendre ces contenus quand cela est possible, le projet PS2X comprend aussi un volet de numérisation. 250 des 900 références du catalogue disposent ainsi d'un lien d'écoute. 200 contenus sonores ont été fournis par la BNF et une cinquantaine sont issus de la Phonobase, une bibliothèque sonore en ligne alimentée ici, à Montrouge. Les contenus sont numérisés par l'historien Henri Chamou. Ces enregistrements sont assez fragiles. Ils cassent comme de la vaisselle, ils fondent comme du chocolat, ils s'émiettent et donc il convient de les conserver. Une fois choisie la bonne pointe de lecture pour écouter un disque sur la platine, son contenu est converti en signal numérique et enregistré par cet appareil. Le son est ensuite transféré sur l'ordinateur et il subit un traitement audio avant d'être mis en ligne. Henri Chamou numérise par exemple ce disque, retrouvé récemment, qui contient un discours méconnu du général de Gaulle. Ce disque était parachuté par la Royal Air Force sur le territoire français, à l'attention des enfants de France, puisqu'il s'agit de propager la voix du général de Gaulle, qui donc souhaite un joyeux Noël 1941 aux enfants de France. Un témoignage de son époque. L'ennemi et ses amis prétendent que c'est bien fait pour notre nation d'avoir été battue. Mais la nation française, ce sont vos papas, vos mamans, vos frères, vos sœurs. Vous savez bien, vous, mes enfants, qu'ils ne sont pas coupables. Ce témoignage historique a été réédité à la mort de De Gaulle en 1970. Et c'est la SERP, le label de musique que dirigeait alors Jean-Marie Le Pen, qui l'a publié à l'époque. Ce disque et son histoire rejoindront donc la plateforme PS2X. Numérisés ou non, les disques disposent d'une fiche de renseignement, qui indique notamment leur auteur, leur contenu et le lieu d'archivage où il est possible de les écouter. Paul Boulan, historien au CNRS, spécialiste du communisme, a rempli une vingtaine de ces notices. Jonathan Thomas lui présente la plateforme. De collection, donc les grandes collections par champ politique ont déjà tout été créées. Et donc on a la collection du communisme, la collection du socialisme, toutes sortes de parties de formation depuis les années 30. On va ouvrir un jeu de données pour voir comment c'est fait,

me de puro débil. La pata de Juana se murió al poner y en su capa fray luna de pluma ayer. La pata de Juana palmando sin casarnos legó con las plumas la cuna oval. Ha muerto, es cierto, mas nos acordaremos siempre de la pata de Juana y olé. Dans les derniers épisodes, on s'est pas mal focalisé sur le point de vue des Romains. Dans cette vidéo, on va se faire un plaisir de repasser en zone barbare. Commençons par les Huns. En soumettant des sédentaires, ils se sont mis à contrôler un territoire, ce qui est nouveau pour eux. Du coup, on obtient quelque chose d'hybride, mi-horde, mi-royaume. La horde des Huns et des Alains commande maintenant toute une armée d'Ostrogoths condamnés à lui obéir. Elle peut désormais entreprendre la conquête du reste de l'Europe. Partout, les Germains s'enfuient par familles entières, déportant le chaos jusqu'en Europe centrale. En particulier, deux peuples se retrouvent contraints d'accueillir les fuyards dans les plaines de Hongrie, les Suèves et les Vandales. Vu le rôle qu'ils vont jouer dans pas longtemps, ça mérite qu'on s'y attarde un peu. Comme tout Germain qui se respecte, les Suèves et les Vandales habitaient jadis plus au nord, près de la Baltique. Il y a deux siècles, ils ont été poussés vers le sud par le refroidissement climatique jusqu'à buter contre la frontière romaine au niveau du Danube. Certains Vandales se sont enrôlés dans l'armée romaine. C'est le cas de notre bon vieux Stilicon qui tient aujourd'hui l'Occident d'une main de fer. Mais la plupart sont restés de farouches adversaires de Rome. Quant aux Suèves, c'est sans doute les pires de tous. Ils font suer tout le monde depuis le règne de Marc Aurèle. L'irruption des fuyards ostrogoths provoque une surpression dans le secteur. Comment la résoudre? Je vous le donne en mille. Les Suèves et les Vandales vont tenter de passer en force dans l'Empire romain pour se trouver de nouvelles terres. Alors si on prend un peu de recul, on se rend compte que les Huns et les Romains ont un point commun, finalement. Ils ont tous deux un ennemi juré, c'est les Germains. Et voilà qu'ils décident de s'allier contre la racaille teutonne. Un pacte avec le diable que les Romains vont pas tarder à regretter. Dans l'Empire, les exactions des Visigoths ont exaspéré tout le monde. À Constantinople, 7000 Goths qui travaillaient gentiment dans la milice sont massacrés par les Romains. Une fois de plus, Alaric sort de ses gonds. Il se révolte en emportant tous ses Visigoths avec lui. Et comme l'Orient est déjà ravagé, il jette son dévolu sur l'Occident. Pour la première fois, les Visigoths entrent en Italie. Ils mettent à sac la ville d'Aquilée, ce qui leur ouvre la plaine du Pô. Stilicon peut rien faire puisqu'il est retenu sur la frontière par l'attaque des Suèves et des Vandales. Même la capitale Milan est menacée, et l'empereur Honorius doit quitter la ville. Il est talonné par l'ennemi, mais c'est alors que la cavalerie arrive. Les Huns accourent aux côtés de l'armée romaine qui s'est débarrassée des Vandales. Alors évidemment, les Huns font pas ça gratuitement, hein, ils sont grassement payés. Mais le jeu en vaut la chandelle. Les Visigoths d'Alaric sont vaincus et doivent rentrer chez eux en Illyrie. Sur ce coup-là, Honorius a bien failli y rester. Très reconnaissant, il vient baiser les pieds de son protecteur Stilicon. Mais Stilicon se rend bien compte que l'Italie n'est plus à l'abri des barbares. L'empereur n'est plus en sécurité à Milan, ouverte à tous les vents au beau milieu de la plaine du Pô. Il décide donc de déplacer la capitale d'Occident à Ravenne, une ville bien protégée par des marais côtiers. Une idée salutaire. Ça permettra aux empereurs d'Occident de subsister contre vents et marées en ce crépuscule de l'Empire. On voit que plus le temps passe et plus les Visigoths s'approchent de Rome. On sent bien qu'il va se passer quelque chose d'horrible pas tard. On entre dans la période la plus dramatique de l'histoire de Rome. On est en 405 après Jésus-Christ et jusqu'à maintenant, tout allait bien. Si, si, vous allez voir, c'était rien par rapport à ce qui va se passer dans la décennie qui vient. Dans la plaine de Hongrie, les Vandales et les Suèves sont en plein conciliabule. Leur tentative d'intrusion dans l'Empire romain a échoué à cause de ce satané Stilicon. Mais les Ostrogoths qui arrivent de l'Est, ils s'en moquent pas mal. Ils continuent d'affluer dans la plaine en éjectant tout le monde, terrifiés par le souffle des Huns qui les talonnent. Et par-dessus tout ça, il faudrait surtout pas oublier les Alains. Et oui, ceux qui ont fui la horde dès le début de l'aventure, eux aussi se retrouvent au même endroit, et ça fait du monde. Alors, les Alains n'ont pas les mêmes états d'âme que les Germains, hein. C'est des nomades à la base. Ils ont l'habitude de bouger avec toute la ménagerie. Du coup, ça donne des idées aux Suèves et aux Vandales qui décident de les accompagner. Et voilà qu'ils entament une migration majeure vers l'ouest en quête de nouvelles terres. Trois peuples au complet se retrouvent engagés sur les routes de Bavière. Les populations locales en ont pour leurs frais. Je vous donne leur petit nom pour la route. Du sud au nord, on rencontre les Alamans, les Burgondes et les Francs. Eux aussi vont jouer un sacré rôle dans la suite de notre histoire. Bref, nos migrants ne trouvent nulle part le repos. Et c'est ainsi qu'ils arrivent sur les bords du Rhin, non loin de la ville de Mayence. Normalement, ils sont censés faire face à un joli comité de réception. Mais c'est la stupeur dans les rangs. Il n'y a plus personne dans les garnisons. L'armée romaine semble avoir tout bonnement abandonné la frontière du Rhin. Pour comprendre ce qui est en train de se passer, il faut revenir encore une fois dans les plaines de Hongrie. Très heureux d'en avoir chassé les anciens occupants, les Ostrogoths y prennent leurs aises. Mais les Huns ne sont plus très loin, et il suffit de prononcer leur nom pour leur donner des coliques épouvantables. Poussés par un chef nommé Radagaise, les Ostrogoths décident de tenter leur chance dans l'Empire romain, comme leurs cousins Visigoths. Ils parviennent à leur tour en Italie et pillent la plaine du Pô qui ressemble plus à grand-chose. Puis ils s'avancent vers le sud, très surpris de la faible résistance rencontrée. Pendant ce temps-là, Stilicho ne s'est pas tourné les pouces. Comme il ne peut pas compter sur l'aide d'Arcadius en Orient, il lui a fallu rapatrier toute l'armée d'Occident en Italie, ce qui prend un peu de temps. Alors l'entreprise est couronnée de succès. Les Ostrogoths sont écrasés en Toscane et ils feront plus de mal pendant un bon bout de temps. Mais le problème, c'est que le Rhin se retrouve sans défense. Et voilà justement nos Vandales, nos Suèves et nos Alains qui déboulent comme une trombe sur cette frontière vide. Ils balayent la maigre résistance et dégorgent dans l'Empire romain à la manière d'un gaz à cocotte. Les villes sont mises à sac les unes après les autres. Alors c'est sûr, en ramenant tout de suite ses armées en Gaule après sa victoire contre les Ostrogoths, Stilicho aurait pu empêcher tout ça. Mais c'est bien là le pire dans toute cette histoire. Inconscient de ce qui se passe le long du Rhin, il prend carrément la route de l'Est pour punir Arcadius, qui s'obstine à faire bande à part comme un enfant gâté. Ce temps perdu en petite guéguerre est irrattrapable. Le temps de faire demi-tour, les barbares se seront dispersés dans toute la Gaule. C'est le moment d'utiliser deux couleurs pour notre empire romain. Le divorce entre l'Orient et l'Occident est consommé. Et pour l'Occident, c'est le début de la fin. Dans le prochain épisode, nous pleurerons ensemble, mes frères. Oh. ans de guerre civile. Nous avons des siècles pour prendre nos revanches. Et l'histoire nous apprend qu'elles viennent toujours. Après le prêche enflammé du père Guéraud, les conversations vont bon train dans les couloirs du palais Bourbon. Le silence du gouvernement est très commenté. Ni le président du conseil, ni le ministre des cultes ne semblent décidés à se mettre en avant dans un débat qu'ils n'ont pas souhaité et qui leur aurait été imposé par les députés. L'ordre du jour appelle la discussion du projet portant séparation des églises et de l'État. C'est donc Aristide Briand, le rapporteur de la commission, qui va défendre la séparation. Aristide Briand sera-t-il à la hauteur ? Lycéen, il avait séduit Jules Verne par sa forte personnalité. Le jeune Briand, héros du roman Deux ans de vacances, c'est lui. Un adolescent français qui triomphe de toutes les difficultés sur l'île déserte. En ira-t-il de même dans l'hémicycle ? Avocat, spécialisé dans les conflits du travail, Aristide Briand a la parole facile. Mais il n'en a pas moins subi trois échecs aux législatives avant d'entrer au Palais Bourbon. Il n'est député que depuis trois ans et certains de ses collègues s'étonnent qu'un dossier d'une telle importance ait été confié à un débutant. Le rapporteur est aussi desservi par sa réputation sulfureuse. Élevé dans le café-concert que tenaient ses parents parmi les buveurs et les filles, Aristide Briand est présenté par ses adversaires comme un cynique et un débauché. Né à Nantes, il a dû partir à Saint-Étienne pour devenir député à cause d'un scandale de mœurs. Jeune militant socialiste, on l'a trouvé un jour en plein champ avec la femme d'un important banquier de la région. Longtemps proche de l'extrême-gauche, influencé par l'anarcho-syndicalisme, il est connu comme un collectiviste, partisan de la grève générale. Peu nombreux sont les députés qui parient sur Aristide Briand. Mais ses amis comptent sur son art oratoire et sur son habileté. Messieurs, en insistant longuement auprès de vous pour que vous repoussiez la motion de M. l'abbé Guéraud, je craindrais de faire injure à la Chambre, car ce serait la supposée capable de se déjuger à un mois d'intervalle. Très bien. Il y a un mois, en effet, vous avez déclaré à une forte majorité que les circonstances ayant rendu inévitable la séparation des églises et de l'État, la discussion et le vote de la réforme s'imposaient de toute nécessité dans cette session même. C'était un engagement solennel, pris en pleine connaissance de cause et devant le pays tout entier. Depuis, la situation s'est-elle modifiée ? Mais non, messieurs, non. Elle est restée identiquement la même. Les difficultés avec Rome ne se sont pas aplanies. D'ailleurs, il serait parfaitement puéril d'espérer qu'elles puissent être jamais aplanies, car elles tiennent à des causes profondes sur lesquelles pas plus le Saint-Siège que la République ne peuvent transiger. Nous nous trouvons devant une situation inextricable. Toutes les causes de conflit persistent. Pour la République, les principaux avantages du concordat, je devrais dire tout le concordat, sont dans les articles organiques. Or, ces articles, Rome ne les a jamais reconnus. Toujours, à toutes les époques, elle a déclaré les tenir pour nuls et non avenus. D'ailleurs, la doctrine fondamentale de l'Église s'oppose formellement à ce qu'elle ne les reconnaisse jamais. C'est la tare originelle de cette convention interlope, ni dans la contrainte, ni dans la ruse. À la suite de violations successives, et pour ainsi dire systématiques du concordat, les relations avec Rome ont dû être rompues. Vous avez approuvé cette rupture. Oui. Le mois dernier, vous avez reconnu que la situation appelait une solution rapide et que la seule qui fut à la fois acceptable et conforme à la dignité et aux intérêts de la République était la séparation des églises et de l'État. Mais avait semblé qu'un rendez-vous général avait été pris, d'accord avec toutes les fractions de la Chambre, pour discuter non plus sur une misérable question de procédure, mais sur le fond même de la réforme. C'est à l'heure où la Chambre s'apprête à entreprendre la tâche qu'elle s'est assignée qu'on lui propose d'ajourner toute solution. Eh bien, dans ce cas-là, que se passera-t-il, messieurs ? Ben, c'est très simple. Si vous aviez l'imprudence d'accorder cet ajournement, le Saint-Siège ne manquerait pas, il aurait raison, d'interpréter votre vote comme le signe d'une grande inquiétude, comme la démonstration de votre impuissance, comme la preuve éclatante que vous redoutez de prendre les responsabilités de l'heure. Il croirait simplement que vous êtes respectueux du suffrage universel. Monsieur le comte de Baudry-Dasson, je vous invite à faire silence. Le rapporteur seul a la parole. De Saint-Siège ? Son attitude n'en serait pas améliorée, ni ses prétentions affaiblies. Mais ceci n'est rien. Rien à côté de ce qui pourrait se passer dans le pays même. Les ennemis de la République auraient beau jeu dans cette partie-là. Le champ serait librement ouvert devant eux à tous les mensonges, à toutes les calomnies contre ce régime. Sur cette question de la séparation que vous auriez posée, mais sans la résoudre, leur serait loisible de vous prêter les pires desseins, les plus éloignés de vos intentions. Vous les verriez parcourir les campagnes, annonçant la fermeture des églises. Avec raison. C'est notre devoir de montrer la vérité aux électeurs. Veuillez faire silence, messieurs. Si vous ne pouvez pas entendre exprimer des opinions qui ne sont pas les vôtres, la discussion ne peut pas continuer. Les ennemis de la République. Ben, vous les verriez parcourir les campagnes annonçant la fermeture des églises, la proscription des prêtres, la persécution des fidèles et les atteintes les plus graves à la liberté de conscience. Et alors vous, messieurs, vous, comment pourriez-vous vous défendre contre ces attaques si grossières, si invraisemblables fussent-elles ? Ben, vous ne le pourriez pas. Vous ne le pourriez pas, car quand on a l'imprudence de s'exposer à être jugé sur des intentions, on peut craindre toutes les erreurs, toutes les injustices. Alors, messieurs, je vous le demande, quel est le républicain qui consentirait de gaieté de cœur à jeter la République dans une aventure aussi folle ? Faites un référendum sur cette question. Vous verrez le résultat. Vraiment, messieurs, il est inadmissible que l'on ne puisse pas continuer, dans le calme et le silence, une discussion dans les termes où celle-ci est menée. Si nous apportions à l'étude et au vote d'un projet de séparation la même passion et la même intolérance que vous mettez dans cette discussion, nous vous ferions une bien mauvaise loi, contre laquelle vous auriez raison de protester. Mais je n'insiste plus. Je m'excuse auprès de la Chambre d'en avoir tant dit pour démontrer à quel point est inacceptable cette motion d'ajournement. Enfin, cette discussion aura tout de même valu à l'Église un petit délai, et je crois que dans les circonstances pressantes où nous sommes, il y a tout ce que nous pourrons faire pour elle. Doué d'un talent d'orateur qui a étonné la Chambre, Aristide Briand a défendu la séparation sans même avoir eu besoin de détailler le contenu du texte. Bon tacticien, le rapporteur a préféré mettre les députés devant leurs responsabilités au moment où l'ouverture du débat parlementaire crée dans le pays une agitation qui ne peut durer. Je mets aux voix la motion de M. l'abbé Guéraud. Qui est pour ? Qui est contre ? Elle n'est pas adoptée. Mais Aristide Briand n'est pas au bout de ses peines. Après avoir rallié les modérés au principe de la séparation, il lui reste à affronter l'extrême gauche, qui lui reproche la tiédeur de son texte. Maurice Allard, député socialiste du Var, a déposé un contre-projet. Fils d'un notaire tourangeau, Maurice Allard ne manque jamais l'occasion de faire oublier ses origines bourgeoises par des positions doctrinales ultra-rouges. Ancien avocat devenu journaliste, le député de Draguignan est connu pour sa facilité de parole et sa verve caustique. En matière religieuse, Maurice Allard passe pour un des anticléricaux les plus enragés de la Chambre. Dès 1903, il a réclamé la fermeture de l'ambassade de France auprès du Vatican, Plusieurs fois, il a demandé la suppression des aumôneries dans les lycées. Mécréant notoire, athée déclaré, il parle de faire condamner pour escroquerie tout prêtre qui invoquerait un miracle. L'Église étant à ses yeux l'ennemi de la République, aucun compromis ne lui paraît souhaitable. Or, on murmure à la Chambre qu'Aristide Briand a dîné avec des ecclésiastiques pour négocier le texte et aplanir les difficultés. La fine diplomatie du rapporteur n'est pas du goût de son collègue Maurice Allard, qui veut mettre le clergé à genoux en confisquant purement et simplement les églises, les cathédrales, les séminaires, les presbytères et de façon générale tous les biens mobiliers et immobiliers des communautés religieuses. Dans le texte de la commission, les lieux de culte appartiennent à l'État, mais ils sont mis à la disposition des fidèles par l'intermédiaire d'associations cultuelles constituées à cet effet. Pour Maurice Allard, au contraire, l'État doit récupérer les bâtiments pour les affecter à des usages profanes. Son contre-projet pourrait mettre en difficulté Aristide Briand, dont l'habileté et la modération ne sont pas appréciées sur tous les bancs de l'hémicycle. La Chambre est maintenant saisie du contre-projet de M. Maurice Allard, à qui je donne la parole. Messieurs, je ne me dissimule pas la difficulté de ma tâche. J'ai contre moi toute la droite, le centre-gauche, la Commission, le gouvernement, et probablement une partie de la gauche qui a déjà approuvé et adopté le texte du gouvernement et de la Commission, sans l'avoir sans doute examiné suffisamment. C'est à cette partie de la gauche que je m'adresserai tout particulièrement. Je tâcherai de lui démontrer que le projet gouvernemental ne répond en aucune façon aux desiderata des Républicains. Je veux débarrasser le débat de toute considération juridique oiseuse. Ce que je reproche à la Commission, c'est d'avoir méconnu cette différence essentielle qui existe entre la liberté de conscience et la liberté religieuse. Cette confusion est manifeste dans l'article 1er du texte gouvernemental qui dit que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. La liberté religieuse n'est pas la même chose que la liberté de conscience. L'une peut très bien exister sans l'autre. Ce que je reproche à la Commission, c'est d'avoir méconnu cette distinction. Car cette distinction faite, nous avons le droit de ne pas laisser se constituer au milieu de l'État laïque et contre lui cet État religieux particulier, cette société religieuse qui devient forcément un danger véritable quand elle est animée, comme l'Église, d'un esprit essentiellement hostile à tout progrès et à toute civilisation. Ça suffit ! Scandaleux ! Voilà, je crois, ce que la Commission n'a pas compris d'une façon suffisamment nette. Il ne faut pas se leurrer sur le sens du mot « séparation », qui n'a aucun sens si on ne lui applique pas des idées précises. Des idées déterminées. Il y a telle ou telle séparation dont l'Église peut très bien s'accommoder. Mais nous, libres penseurs, quelle est la séparation que nous voulons ? Ce ne peut être que celle qui amènera la diminution de la malfaisance de l'Église et des religions. Quel aveu ! Voici le résultat le plus palpable de votre séparation. Je vivais comme une ombre, j'avais les idées sombres, faisant partie d'une ombre des désespérados. Je ne savais quoi faire pour chasser ma misère. Quand on est solitaire, aïe, on a froid dans les os, quand dans une chapelle, sous la blanchette rebelle, statue de la douce, immaculée conception, je sentis la foi naître, et au fond de mon être, du Seigneur Jésus corrige la révélation dans les bras de Jésus. Maintenant tous les jours je danse, et désormais mon existence vaut la peine d'être vécue dans les bras de Jésus. Maintenant tous les jours je chante, pour moi la vie n'est plus méchante, et de joie je suis éperdue dans les bras de Jésus. Et avant de recevoir le professeur Maffesoli, nous recevons le professeur Schirmer. Bonjour Valentin Schirmer. Bonjour Clémence. Rédacteur en chef de l'Étudiant Libre, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez plus de voix. Oh, ce sont des futilités footballistiques qu'il ne convient pas d'évoquer ici. Tout à fait. Bon, bah écoutez, on en parlera plus tard alors. Allez, voilà. On se tourne vers notre invité en vidéo. Vue de haut. Bonjour professeur Maffesoli. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle, hein, vous êtes sociologue, mais je sais que vous n'aimez pas quand on utilise ce terme. Ou en tout cas, vous travaillez dans le domaine de la sociologie, professeur émérite à la Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France, auteur évidemment de nombreux livres et de ce livre-là qui nous a particulièrement intéressé aujourd'hui. Je pense que c'est une belle réponse aux bien-pensants. Un livre d'abord édité en 2019, La force de l'imaginaire. C'était une première fois édité aux éditions du Moment, c'est bien cela. Et vous le rééditez, enfin la maison des éditions Libère, le réédite, donc La force de l'imaginaire, une réponse à la bien-pensance. Et cette bien-pensance que vous étriez, hein, avec une certaine gourmandise des mots, il faut le dire, dans votre livre. Alors je cite un extrait de votre préface, la bien-pensance et cette rouille de l'esprit qui lentement mais sûrement détruit tout discernement et voilà qui aboutit à ces verbalismes ronronnants. Alors la bonne nouvelle dans ce livre, c'est que ces verbalismes ronronnants que vous étriez, eh bien, ils apportent aussi autre chose. Enfin, il y a un autre versant de cette critique de la société actuelle, c'est qu'au-delà ou en deçà de ces amusements d'enfants attardés, dites-vous, on voit ressurgir ce que vous appelez donc la force invisible de l'imaginaire. Et dites-vous, elle est en train de nettoyer le cloaque des lieux communs et autres conformismes, qu'ils soient scientistes ou politistes. Alors d'abord, deux choses. Vous parlez de conformisme scientiste ou politiste. Et alors là, je me dis, vous avez vraiment vu un éclair d'esprit sur l'avenir, parce que vous parlez de conformisme scientiste avant même le début de la crise Covid. Oui, on a pu dire d'ailleurs que beaucoup de mes livres, c'est pour ça que j'ai plus envie de les citer depuis quelques décennies, avaient une dimension un peu prophétique. Oui, voilà, mais c'est incroyable. Mm. Mais tout simplement, vous voyez, puisque en effet, je n'aime pas le mot sociologue. Mm. Hein, ma grand-mère avait une très belle expression. Elle disait, il n'y a que les cornichons qu'on met dans des bocaux. Voilà. Moi, j'ai jamais voulu. Vous n'êtes pas un cornichon. Jamais voulu être un cornichon. Et c'est pas au-delà de l'aspect que ce que je viens de dire. Il faut avoir une dimension un peu transversale des choses, finalement. Et D'ailleurs ce qui dérangeait les autres professeurs de sociologie vis-à-vis de votre... Oui, mes chers collègues étaient ennuyés par ce que je disais, mais comme j'ai occupé la chaire de Durkheim, qui était la chaire de sociologie générale, on ne pouvait pas trop me toucher. Et oui. C'est un avantage. Si voilà. Non, mais vision transversale et l'imaginaire, ce n'est pas autre chose. Hein. C'est-à-dire du fait qu'on ne peut pas simplement se cantonner à une conception purement rationaliste du monde. Le scientisme qui a prévalu dans les deux ans qui viennent de s'écouler en sont l'expression, mais au contraire, moi j'ai appris cela de mon maître Gilbert Durand, c'est-à-dire avoir cette dimension plurielle où on met en jeu, à la fois des observations sociales, une réflexion théologique, utiliser la poésie, éventuellement la théologie, peu importe, voyez, c'est-à-dire ce qu'est l'humaine nature, qui est fait d'éléments très divers. Hein. Moi, il y a un grand cardinal du XIVe siècle, Nicolas de Cuse, qui disait disait, excusez-moi, je le dis en latin, coincidentia oppositorum, hein, la coïncidence des choses opposées. Et donc, dans le fond, c'est un peu cela qui est l'imaginaire, et c'est cela qui nous permet de résister à cette bien-pensance actuellement scientiste, qui pouvait être aussi, je dirais, hegeliano-marxiste à notre temps et tout à l'avant. Oui, ce que vous dites, du coup, il est important d'être des esprits libres. Mais l'avez-vous senti seulement cette force pendant cette crise ? Parce que c'est, encore une fois, c'est vraiment passionnant. On découvre que ce livre que vous avez écrit en 2019 décrit parfaitement ce qui s'est passé pendant la crise de la Covid. Mais avez-vous, vous, senti cette force invisible de l'imaginaire, cette parole transcendante pendant cette crise ? À part peut-être chez Michel Maffesoli. Oui, mais il n'y a pas que moi. Hein. Quand même, il y a quand même des auteurs. Moi, je ne suis pas un scientifique, hein, puisque je me suis opposé assez à cela, en montrant qu'on pouvait avoir une bonne connaissance sans être scientifique. Mmh. Voilà, c'est tout. Hein. Mmh. Plutôt parce que non sum dignus, je ne suis pas digne. Moi, j'ai des amis astrophysiciens, physiciens, chimistes, etc., et non des moindres, qui, eux, sont des scientifiques. Quand je discute avec le professeur Raoult, lui est un vrai scientifique, de mon point de vue, par exemple, vous voyez, ou Perron, pareil. Donc oui, je l'ai senti. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine manière, on emploie le mot scientifique comme ça, tire-larigot. Hein. Mmh. Quand on n'a plus rien à dire, on dit c'est scientifique. Et donc, du coup, on se tait, puisqu'on ne peut plus rien dire contre ce qui est censé être la science. La plupart du temps, vous voyez, si je le dis d'une manière amusée, puisqu'on m'a critiqué à l'époque parce que j'avais fait passer une thèse sur l'astrologie. Moi, je suis mécréant en astrologie. Moi, je suis mécréant en astrologie, je tiens à le signaler, mais on m'avait. Pour moi, un fait social devient un fait sociologique. Oui, et je dirais qu'actuellement, le mot scientifique joue le rôle de l'astrologie au Moyen-Âge, vous voyez, c'est-à-dire que quand on ne sait pas très bien que dire, on dit c'est scientifique, ben, voilà. On met une blouse blanche et on va sur les plateaux télé. Voilà, c'est très bien, enfin, moi je préfère une connaissance rigoureuse à une science, une pseudo-science, voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. Pour continuer sur la manière dont vous attaquez la bien-pensance, il y a vous dénoncez un véritable caractère religieux dans la bien-pensance et dans le discours bien-pensant. Et c'est une sorte de parodie de religion, puisque c'est une religion qui abaisse plus qu'elle n'élève. Chesterton disait, quand on arrête de croire en Dieu, c'est pas pour croire en rien, c'est pour croire en n'importe quoi. Et ben, vous montrez vraiment ce caractère-là dans votre essai aussi. Oui, la phrase que vous venez de citer, Chesterton, est une très belle phrase, d'une certaine manière. En général, d'ailleurs, Chesterton dit des très belles choses. Et son livre, cette phrase que vous venez de citer, elle est tirée de son très beau livre que personne ne connaît, sous Saint Thomas d'Aquin, par exemple. Voilà, peu importe en la matière. Oui, c'est-à-dire que... moi, je suis trop référent vis-à-vis de la religion pour la critiquer à bien des égards. Mais ce qui est certain, c'est que oui, ça joue ce rôle-là un peu. Hein, c'est-à-dire, mais je dirais d'une manière un peu plus amusée, en citant ce grand théoricien qu'est Raymond DeVos, quand j'ai rien à dire, je veux que ça se sache. Et donc, dans le fond, quand on ne sait pas trop que dire grand-chose, et c'est ça la bien-pensance, on va utiliser des mots qui sont des mots un peu religieux. Des lieux communs. Des lieux communs. De bon sens, en fait, des trucs comme ça. Des mythes, vous parlez du mythe du progrès et de catéchisme, hein, donc quand même, on est vraiment... Oui, non, mais bien sûr, et excusez-moi, madame, quand je suis obligé d'employer des mots un peu, parfois un peu violents, enfin... nous les acceptons avec plaisir. Alors, toujours dans cette critique de la bien-pensance, évidemment, on retrouve ici vos grandes thèses, et celle, finalement, que de comprendre que les bien-pensants représentent une forme de tribalisme. Oui, à l'époque, vous savez, c'était en 88 que j'avais publié un livre qui s'appelle Le temps des tribus, où je reniflais un peu quelque chose de cet ordre. Pareil, là, vous aviez été relativement visionnaire. Indivisible, qu'on a hérité un peu de cette conception assez étroite induite par les francs-maçons à l'époque, au 19e, alors qu'il y a une res publica. Vous voyez, que donc tout le problème, c'est de voir comment on gère cette chose publique, etc., de diverses manières. Alors, un pamphlet précédent que j'avais écrit, qui s'appelle « L'ère des soulèvements », où justement c'était exactement sur ce Covid, c'est-à-dire sur ce qui est en train de se passer. Moi, je ne nie pas la maladie, soyons clairs, hein, j'ai des amis proches qui sont morts, et moi-même, je suis à un âge, si vous voulez, où j'aurais pu être atteint par cela. Mais je dis, ça devient une psychopandémie. Hein, c'était ça que je disais dans « L'ère des soulèvements ». En janvier, je vous y rends attentif, je publie un livre qui, la suite de l'ère des soulèvements, s'appelle « Le temps des peurs ». et dans le fond, où je poursuis un peu cette idée hein, que je viens ici de dire, c'est-à-dire que, attention, revenons à cette vieille et belle tradition qui était la tradition catholique, hein, c'est-à-dire que la finitude est là, la mort est là. Il ne sert à rien de la nier. Il suffit de voir comment on va la ritualiser, l'homéopathiser, s'approcher de cela. Hein. Je rappelle souvent comment dans la vieille tradition catholique, il y avait Notre-Dame de la Bonne Mort, hein, par exemple à Poitiers, ou Notre-Dame du Bien Mourir dans l'abbaye de Fontgombault. Et c'était là encore une fois une manière, je dirais, non pas de dénier la finitude, mais ça d'accommoder. Or, ce que fut la psychopandémie, qui est peut-être, espérons-le, en train de s'achever, c'était justement cette dénégation de la mort. Hein, là-dessus, alors je dis la tradition catholique, mais la belle aussi tradition philosophique, celle de Heidegger, nous rappelait qu'il y avait cette sumtote hein, vers la mort, etc. Mmh. Et que donc ça ne sert à rien de nier la finitude, il faut voir, hein, c'est ça la belle sagesse populaire, c'est ça, à bien des égards, qui constitue le fondement d'un vrai catholicisme compris, c'est de s'accommoder, s'ajuster, se préparer. Alors sur ce tribalisme, pardon Valentin, je vous redonne la parole juste après, je vous cite, vous dites finalement les universités, les antennes de radio, les salles de rédaction, on peut aussi dire que ces tenants de la modernité progressiste se comportent et se constituent en une formidable tribu, car le tribalisme c'est aussi Babel versus la langue universelle comprise par tous. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est ce Babel que vous avez décrit hein, évidemment dans d'autres livres. Finalement c'est ces communautés qui vont lire, qui vont vivre côte à côte sans res publica, comme vous l'avez dit, sans bien commun, sans unité. Aujourd'hui, c'est vraiment cela qui risque, vers lequel on se dirige, ou vous considérez justement que cette transcendance dont vous parliez tout à l'heure, par la force de l'imaginaire notamment, permet de dépasser ces communautés? Non, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Autre manière de dire, je suis en profond désaccord avec ce que vous venez de dire, de manière polie. Je vais vous le dire au travers d'un... Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas en accord. De deux mots que j'emprunte là encore à la théologie thomiste. Unité et unicité. Ce sur quoi s'est élaboré le 19e siècle et la modernité, c'est l'unité. L'unité, c'est un cercle fermé. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce fou génial qui est mon compatriote Auguste Comte. Hein. Quand il définissait la société, la sociologie étant censée en rendre compte, il disait « reductio ad unum ». On va réduire à l'un. Hein. Et c'est ça la République une indivisible. Hein. Voilà. Alors que saint Thomas et toute la tradition du XIIe, XIIIe, d'ailleurs chez Abélard déjà un peu avant, il y a ce concept d'unicité. Unicité, c'est quand il y a une possible liaison, pas un cercle fermé, mais un cercle en pointillé, si je puis dire. Et de mon point de vue, c'est un peu ce qui est en jeu. On a peur des communautés, on dit communautarisme, etc. Non, la vraie... On parle de l'archipélisation de la France. Oui, mais ces gens, ils m'ont copié, ces gens-là. Sauf pour le critiquer eux-mêmes, alors que vous n'y voyez pas forcément la même chose. Non, je dis... D'abord, moi, mon propos est de dire ce qui est. Hein, puisque un de mes maîtres s'appelait Julien Freund et disciple qu'il était de Max Weber, il montrait qu'il fallait avoir une attitude de neutralité axiologique, hein, ni judicatif ni normatif, c'est ma position. Alors en la matière, c'est-à-dire c'est ça la res publica, c'est ça la babélisation, oui c'est ainsi pour le meilleur et pour le pire. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a cette espèce de mosaïque, je dis mais la mosaïque fait qu'il y a une cohésion, chaque pièce de la mosaïque garde sa configuration, sa couleur, sa structure, et pourtant ça tient. Vous hein, voyez, si je le dis un peu à la manière Galilée, quand il est accusé par l'Inquisition, il dit « et pour si mauvais ». Et pourtant, elle le tourne, hein, la Terre. Eh bien, moi, je dirais, et pourtant, ça tient. Alors voilà, c'est ce qui est en jeu. Personnellement, excusez-moi si je suis trop long, vous me coupez, disons que cette grande dame de la pensée qui s'appelle Hannah Arendt parlait de l'idéal démocratique en gestation. Difficile à faire, il fait recul, ses erreurs, etc. Après, on y arrive. Pour moi, c'est fini, cet idéal démocratique. Mais je me suis inspiré de cette idée en parlant de l'idéal communautaire. Vous voyez, plutôt que le communautarisme, que l'on dit fréquemment, idéal communautaire, c'est-à-dire comment vont s'ajuster ces diverses tribus les unes par rapport aux autres. Vous voyez, et que d'une certaine manière, c'est le problème qui est en jeu actuellement. C'est-à-dire, oui, en effet, il y a des langues, des manières d'être, etc. Mais on peut penser que tout comme s'est élaboré l'idéal démocratique en son temps, eh bien peut-être est en train aussi de se constituer ce que j'appelle moi un idéal communautaire, c'est-à-dire cette espèce de juxtaposition de choses de très diverses, et que c'est en l'acceptant qu'on évite les perversions. Par exemple, une perversion... Quand on a dénié le fait qu'il y ait des tribus, ben c'est le fanatisme islamique qui est pour moi la chose la plus dangereuse actuellement, mais tout simplement parce qu'on n'a pas su ritualiser le fait qu'il y a des diversités, des spécificités, etc. Voilà, c'est ça mon propos. Hein. On est dans le moment où on fait, dans le sens fort du terme, l'apprentissage, encore une fois, de ce que dans la tradition catholique on appelle la communion des saints. Des juxtapositions. Quand s'élabore la communion des saints, c'est la petite église de Milan, 3e, 4e siècle de notre ère, qui tout d'un coup émet le fait qu'on peut être uni en pointillé avec Lugdunum, Lutèce, Narbonne, Rome, etc. Vous voyez. Et pour moi, c'est un peu quelque chose de sorte qui est en gestation dans la postmodernité. On n'a pas besoin d'une forme de transcendance, justement, de quelque chose pour réunir. Comment ces pointillés sont-ils unis? Alors écoutez, vous voyez, par exemple, j'ai dit tout à l'heure l'unicité. Oui. Hein, restons, puisque il se trouve comme ça, en vieillissant, je deviens de plus en plus théologien plutôt que sociologue. Mais il est un mystère très beau, qui est le mystère de la Trinité. Et le mystère de la Trinité, quand on y réfléchit, eh bien, c'est à la fois l'unicité, l'interaction, la relation des trois personnes, si vous voulez. Suffisamment compliqué à expliquer à des enfants. Non, mais je l'entends. Non, mais je l'entends. C'est pas facile. Je le reconnais. C'est un mystère. Il faut pas garder ce mot. Mystère. Mais pour moi, le mystère de la Trinité, c'est l'unicité. Eh bien, pour moi, c'est quelque chose de cet ordre qui est en gestation. Un mystère de cet ordre, difficile à analyser, difficile à dire, difficile à comprendre, mais comme le mystère de la Trinité, pour moi, l'idéal communautaire, c'est cela. Donc il faut avoir la foi, finalement. Hein. Ben, disons, de toute façon, être ensemble, la foi, c'est la confiance. Hein, c'est la foi, la confiance et la foi partagée. Oui, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre qui est en jeu. Valentin. Pour continuer sur ce thème du mystère, est-ce qu'il n'y a pas parfois certaines choses qui sont plus facilement compréhensibles par le mystère et par l'accès au cœur, et que finalement le cerveau et cette bien-pensance qui fait toujours appel à la raison absolue et qui se contente des explications théoriques et non pas de la compréhension profonde des choses par l'accès au sentiment, par l'expérience et par le toucher? Tout à fait. Ce que vous venez de dire recoupe ce que j'appelle, moi, l'imaginaire, hein, enfin, dans la foulée de Gilbert Durand. Qu'est-ce que c'est que le mystère? Le mystère, c'est ce qui unit des initiés entre eux. Hein, c'est ça. Et qui partagent quoi, ces initiés? Ils partagent un mythe. Vous voyez, ces mots sont synonymes. Hein, mystère, mythe, muet. Parce que ceux qui partagent un mystère sont muets par rapport à l'extérieur. Vous voyez, il faut réfléchir à tout ça. Et ça, en effet, c'est le fait que ce n'est pas simplement, je dirais, un rationalisme étroit qui a prévalu durant la modernité, mais ce que personnellement j'ai proposé d'appeler la raison sensible. Qu'était-ce que la raison sensible? Vous me permettez encore d'être pédant. Bien sûr. Hein, c'est ce que dit, là encore, saint Thomas, « Nihil est in intellectu, quae non fuit prius in sensu ». Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens. Phrase connue hein, de saint Thomas d'Aquin, mais qui pour moi me fait toujours rêver. C'est exactement cela, voyez-vous, cher ami. C'est-à-dire que dans le fond, ce n'est pas simplement un morceau de l'être, c'est-à-dire le cerveau. Mais c'est l'entièreté de l'être. Et voilà, moi, c'est un peu cela qui me paraît être la force de l'imaginaire. La force de l'imaginaire, c'est arriver à intégrer des éléments que le rationalisme un peu bené et destructeur a fait. Hein, c'est-à-dire, dans le fond, on va évacuer ces mythes, on va évacuer nos fantasmes, on va évacuer tout ce qui nous constitue aussi. Hein, je dis bien. Alors que c'est cette espèce de conjonction qui, pour moi, renvoie à cette entièreté de l'être. Être individuel, l'être collectif. Gilbert Durand, encore pour le citer, rappelait que le rationalisme était fondamentalement schizophrénique. Hein, la schize, hein, la coupure, hein, c'est-à-dire encore une fois un morceau. Tandis que là, ce qui est en jeu, encore une fois, dans ce que j'appelle la raison sensible, ou dans la phrase que je viens de citer de saint Thomas, bien, c'est cette entièreté qui me paraît une belle chose. Et or, cette entièreté, le mot est, dit-on, une belgitude, hein, le mot entièreté. Je ne sais pas si on le trouve dans le littré. Mais ce qui est certain, c'est que Durkheim lui parlait de holisme. C'est un terme, holos, hein, c'est-à-dire encore une fois cette espèce de globalité qui nous constitue. Et c'est ça qu'il faut revenir, c'est à cela qu'il convient de revenir encore une fois, et pas se contenter d'un morceau de nous. Oui, c'est très intéressant ça d'ailleurs. Finalement, c'est aussi une réponse à la question qu'on se posait tout à l'heure sur le fait de faire vivre ces communautés ensemble, puisque aujourd'hui, on a l'impression que chacun est ramené de façon justement très rationaliste à une forme de cellule et à une direction particulière plus qu'une autre. Et là, vous montrez bien que ce qui pourrait nous permettre de dépasser cela, finalement, c'est d'être entier. Et avec cette entièreté, on peut tous avoir ce trait d'union dont vous parliez tout à l'heure, Michel Baffet-Soli. Oui, oui, voyez, une des, quand j'ai employé à l'époque le temps des tribus, le mot tribu, c'était à bien des égards une métaphore. Ah, c'est pas un concept pour moi, parce que quand les ethnologues nous parlent de la tribu, on est traditionnellement d'une tribu, in aeternum. Alors que moi, mon propos est de dire qu'on va virevolter d'une tribu à l'autre. C'est pour ça que je dis que c'est une métaphore. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas une identité figée, pas une seule identité, mais des identifications multiples. Vous voyez. Et voilà, moi, c'est ça l'entièreté. C'est-à-dire, d'une certaine manière, le fait qu'on ne peut pas se reconnaître dans une espèce d'enfermement. Regardez cette idée qui fut le début de la modernité, Descartes, cogito ergo sum, in arcem meum, je pense donc je suis dans la forteresse de mon esprit. Les jeunes générations, actuellement, ils disent je m'éclate. Dans cet éclatement, ben, il y a justement quelque chose qui brise cette forteresse qui fut parfois peut-être une belle chose et qui aboutit à un enfermement. Alors, quand je dis entièreté, oubliez le mot, enfin, peu importe là-dessus, moi j'ai pas de fétichisme du concept, je veux rendre attentif au fait que oui, chacun d'entre nous a des identifications multiples, et là encore, la Trinité, là encore, je suis attentif à ce mot, unicité, pas unité, mais unicité, c'est une cohésion en pointillé, si je puis dire, et chacun d'entre nous est une unicité, encore une fois, mystère de la Sainte Trinité. Oui, il faut faire très attention à ne pas confondre en fait vos propos avec justement des propos assez post-modernes, de dire nous avons tous le droit de revendiquer une identité. Non mais ça, excusez-moi, c'est pas postmoderne. Moi, je suis un terrain de la postmodernité. Je l'ai développé dans mes livres. Et soyez attentifs à ce que je vais faire paraître en janvier prochain, Lettre des peurs, où j'ai un chapitre contre le wokisme, qui serait ce que vous venez de dire. Oui, c'est pas postmoderne, ça, c'est moderne, ça. Oui. Pour moi, le wokisme, c'est-à-dire cette espèce d'affirmation étroite d'une identité. D'une identité qui nous enferme, en fait. Voilà, qui nous enferme en fonction de la race, de la couleur de la peau, du sexe, machin chose, et tout à l'avenant. Pour moi, je le dis dans cette chapitre, c'est la suite logique de la philosophie des Lumières. Voilà, c'est-à-dire qu'il pousse jusqu'au bout cette logique, encore une fois, impérialiste, qui est la philosophie des Lumières, qui sont devenues, à bien des égards, clignotantes. Alors que la postmodernité dont on a peur en France, ça n'a rien à voir avec le wokisme, ça n'a rien à voir avec ces revendications LGBT, machin chose, enfin, je me trompe chaque fois, mais enfin, des trucs. On a compris. Alors, on fait une pause, Michel Maffesoli, merci, vous restez avec nous, et on parle toujours de cette force de imaginaire réédité aux éditions Libère, mais il est 9h sur Ligne Droite et c'est l'heure de faire un point sur les informations avec Corentin Périgny. Ligne Droite. Très haut, très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Oui, évidemment, nous sommes en vue de haut et non en table ronde, et toujours avec le professeur Maffesoli, professeur émérite à la Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France et auteur de ce livre, parmi bien d'autres évidemment, dont on parle aujourd'hui, La force de l'imaginaire, réédité aux éditions Libère. Et puis nous sommes toujours avec Valentin Schirmer, rédacteur en chef du magazine L'étudiant libre. Valentin, vous la parole. Oui, non, je voudrais me faire un petit peu l'avocat du diable. En mettant un point, est-ce que cette postmodernité que vous appelez de vos voeux, qui est faite de localisme, qui est faite de petites communautés, elle peut pas être empêchée par la technologie et l'énorme technologie qui permet de connecter tous ces espaces ensemble et qui permet, si les États le veulent, d'exercer un contrôle finalement sur ces populations? C'est une possibilité, en effet. Je tiens à dire, je l'appelle pas de mes voeux. C'est là. Ça va advenir. Oui, enfin, ça va advenir, j'en sais rien, peut-être. Vous la décrivez. Oui. Voilà, excusez-moi, j'insiste là-dessus, chaque fois je fais un constat. Je voudrais éviter de... on me dit que... moi je suis un vieux rationaliste, fondamentalement, donc je suis producteur, reproducteur, je suis le contraire de ce que je décris, vous voyez, à titre personnel, donc c'est pas mes voeux à proprement parler dont je parle. J'ai dit, je décris depuis de longues années quelque chose d'étonnant. Alors, Restons sur une belle et vieille idée, Thomas Kuhn. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un historien américain qui a écrit un livre « Structure des révolutions scientifiques ». Beau livre d'ailleurs, qui est un classique en la matière. Et Thomas Kuhn montre, dans la même perspective que Weber à un autre niveau, que dans le fond, la technologie, si je reprends ici une idée weberienne, allait désenchanter le monde. Et de fait, c'est ce qui a marché à bien des égards. Pour ma part, je considère, je vais vous dire pourquoi, et d'ailleurs j'ai écrit un de ces livres qui s'appelle, un de mes livres s'appelle Le réenchantement du monde, où je montre d'une certaine manière comme curieusement, paradoxalement, la technologie réenchante le monde. Voilà ma position, vous voyez. C'est-à-dire que c'est paradoxal, c'est vrai, c'est paradoxal, hein. C'est Goethe qui disait chaque moment qui est, où il y a une différence de civilisation, ben, il y a du paradoxe. Le paradoxe, c'est que curieusement, on a, puisque je parlais tout à l'heure de cette communion des saints, on a sur Internet quelque chose qui fait une forme de liaison en fonction d'un goût, qu'il soit de quelque soit religieux, sportif, intellectuel, sexuel et tout à l'avenant. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une liaison. C'est quoi? C'est les réseaux sociaux, c'est blogs, c'est Twitter, c'est, voyez, tous ces éléments-là. Et nous sommes ici en France en retard d'une guerre. Moi, mes chers collègues brésiliens, et je participe très souvent à leurs débats, disent « net activisme ». Hein, par exemple, à quelque niveau que ce soit, pour le plaisir, pour la politique, et tout ça. Non. Alors voilà ma position. Oui, vous avez peut-être raison. Il y a possible quelque chose qui est transversal, vertical, hein, c'est-à-dire qu'il y a une domination possible du pouvoir sur ces réseaux, par exemple. Mais il se trouve qu'il y a toujours de la ruse, on se déplace, etc. Voilà ma position. Mais, voyez. Pardon, mais ces réseaux sociaux créent aussi énormément de solitude. Et vous parlez de parodie pour critiquer les bien-pensants dans votre essai. Est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que les réseaux sociaux sont une parodie de relations humaines qui faussent avec l'intermédiaire, l'anonymat? C'est pas mon sentiment, excusez-moi, cher ami. Non, mais vous avez raison, ça se pose. Et c'est ça le vrai débat. Et c'est d'ailleurs intéressant que ce soit le jeune rédacteur en chef de l'étudiant libre qui pointe du doigt cette perversion éventuelle. C'est clair, c'est aussi une possibilité. Vous avez dit perversion, pourquoi pas, c'est vrai. Mais il se trouve, nous avons fait des études dans mon centre quand même, hein, en montrant qu'il y avait un pourcentage. Je vais prendre un exemple un peu grivois. Hein, de ces rencontres sur l'échangisme sexuel, hein, puisque c'est aussi un élément de ces réseaux, si vous voulez, hein, c'est ça. Et des études qui avaient été faites par un de mes chercheurs montraient que, de fait, soit c'était le fantasme, on restait uniquement isolés et on fantasmait sur des rencontres avec d'autres, et il y avait un pourcentage pas négligeable, entre 45 et 50%, qui aboutissait à des rencontres. Alors moi, je ne suis pas un fanatique du chiffre, mais c'est quelque chose de cet ordre qu'il faut prendre en compte. Et nous avons toujours tendance à voir le verre à moitié vide. Moi, j'ai tendance à voir le verre à moitié plein. Intéressant de voir comment sur ces réseaux sociaux, regardez ces mots qui apparaissent. Solidarité, échange, partage. Vous voyez, des vieux mots ringards, si je puis dire. Hein, ce que j'appelle, moi, des archaïsmes, dans le sens fondamental du terme. Arché, ce qui était fondamental et que l'on a dépassé. Mmh. Et il se trouve que ce sont ces mots-là qui apparaissent dans ces réseaux sociaux. C'est-à-dire quelque chose qui renvoie, à bien des égards, à une forme de liaison. Alors, je vais vous donner tout de même la seule définition que j'ai proposée de la postmodernité. Hein, synergie de l'archaïque et du développement technologique, hein, c'est-à-dire démultiplication des effets, c'est ça la synergie archaïque de ces trucs que l'on avait cru dépasser, que je viens de dire, et Internet, hein, les tribus Internet, pour dire bref, hein, au-delà de la définition que je viens d'en donner. Et je vous rends attentif, voilà ma réponse. Moi, je ne veux pas dire que ce soit la totalité, hein, bien évidemment, mais il se trouve qu'il y a là des formes d'entraide. Regardez ces mots, co-location, co-voiturage, co-working, c'est le vieux mot, c'est le cum, avec, tout simplement, vous voyez. Et donc, du coup, Internet aidant, ce sont ces éléments-là qui se développent. Voilà, moi, je rends attentif à cela, puisqu'on a toujours tendance à voir l'aspect péjoratif ou négatif. Alors, toujours dans la continuation de l'idée de Valentin, cette question, et puis qui vous concerne et qui vous touche tout particulièrement, c'est le combat des idées, le droit en tout cas de pouvoir combattre les idées. Je rappelle, et vous le rappelez d'ailleurs, que vous avez été à la direction de l'Institut de polémologie Régie, qui est donc qui a été qui vous a été confié quand même par Julian Freund. Donc Le combat des idées, vous le connaissez mieux que personne. Et aujourd'hui, dans notre société actuelle, et notamment sur les réseaux, quand on n'est pas d'accord, on bloque. Oui, bien sûr. Mais pareil, d'ailleurs, dans notre société, en dehors des réseaux, c'est-à-dire dans les médias aujourd'hui, grand nombre de personnes sont censurées, n'ont pas le droit à la parole, tout simplement parce qu'ils ont osé dire des choses. Donc comment répondre à cette... Ça, j'en sais rien, moi. Moi, ce que je peux dire, je maintiens ce combat, personnellement. Donc je l'ai mené depuis longue date, qui m'a valu beaucoup d'ennuis, à bien des égards. J'ai fait passer à la Sorbonne 200 thèses, dont certaines m'ont été violemment reprochées. Oui. Moi, mon idée était simple, un fait social devient un fait sociologique. C'est-à-dire, je peux donc l'analyser sans être d'accord avec cela. Ça, c'est une position weberienne, là encore. Alors, oui, la vieille tradition universitaire, ce n'est plus le cas. Mais la vieille tradition universitaire, je le rappelle, c'était la disputatio. Eh oui. C'était l'échange. Pas le mot dispute, mais la disputatio, c'était le débat, l'échange, etc. Et de fait, d'abord à l'université, c'est quelque chose qui n'existe quasiment plus, il faut bien le dire. Je le regrette. Moi, j'ai mis en face de la Sorbonne. Même les conférences qui sont annulées. Exactement. À Sciences Po et ailleurs. À Sciences Po, n'en parlons pas. Et puis... pas qu'à Sciences Po, la Sorbonne en face de chez moi, je le vois régulièrement. Mais également, vous l'avez souligné à juste titre, dans les réseaux, dans les radios, les télés, etc. Bon, donc ça, c'est vrai. Et pourtant, ça vit, comme je le disais. C'est-à-dire que de fait, il y a quand même, alors excusez-moi, cher ami, mais réseaux sociaux aidant, il y a quand même des discussions qui se font. Oui. Il y a quand même. Non, mais c'est important cela. Moi, je vois combien de moi qui suis, vous avez dit émérite, c'est-à-dire à la retraite, tout simplement en des termes moins chics. Je vois des étudiants qui viennent me voir, mais en quantité, vous voyez, qui viennent me voir parce que Internet aidant, ils ont mon mail et comme moi, ma porte est ouverte, je les reçois. Et il y a une vraie vitalité. Alors, d'un côté, il y a, je dirais, ces gens au pouvoir journalistique, les élites, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Alors, soi-disant experts, journalistes, politiques, etc., qui tiennent des discours convenus, des lieux communs, encore une fois, ce que j'appelle des Niagara tièdes de bons sentiments, on dit, qui nous sont déversés sur nous. Et en même temps, voilà mon propos, moi, c'est on est dans une logique non pas du ou-ou, mais du et-et. Et c'est cette logique du et qui était la logique de Stéphane Loupasco, de Gilbert Durand, une logique contradictorielle, elle existe. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, voyez, c'est-à-dire que soyons attentifs au fait qu'il y a toute une série, dans le sens simple du terme, d'indices, index, qui montrent qu'il y a une réémergence du débat. Voilà. Ce n'est plus le cas dans les élites déphasées, déconnectées, qui sont en faillite à bien des égards, mais qui tiennent le haut du pavé. Soyons clairs, c'est toujours le cas quand il y a un changement à cet ordre. Vilfredo Pareto montre qu'à ce moment-là, il y a ce qu'il appelle une circulation des élites. Pour moi, c'est ce qui est en jeu. Voilà. Et pour finir sur une note également d'espoir, vous concluez par l'importance de la création qui permet finalement d'affirmer une supériorité qui est absolue en fait, qui permet de s'absoudre un peu du relativisme ou des choses comme ça. Et on, grâce à la création, en fait, on arrive à sublimer en fait sa lutte et son combat. Oui, la création, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'entièreté. C'est-à-dire, puisque j'ai cité Thomas Kuhn tout à l'heure, il dit que jusqu'au XVIIe siècle, il y avait une équivalence entre l'Europe et la Chine, l'Extrême-Orient. La poutre à canon, l'imprimerie, etc. Et puis à ce moment-là, il y a un gap, un différentiel, dit-il. L'Extrême-Orient va rester jusqu'au même niveau, jusqu'à la fin du 19e, l'Europe va suivre le développement exponentiel. Pourquoi ? Il dit en latin, elle a suivi la via recta de la raison, la voie droite. Et pour ce faire, elle a laissé sur le bord de la route, il dit encore en latin, toute une série d'impedimenta inutiles, c'est-à-dire des bagages qui alourdissaient la marche, le rêve, le festif, le ludique. Voilà. Bon. Alors, on a été droit dans le but, droit au but, droit dans le mur, et de mon point de vue, en particulier ces jeunes générations, sont en train de reprendre ces bagages. C'est ça la création. C'est-à-dire, dans le fond, ce que par efficacité on avait laissé de côté, on est en train de se rendre compte que ça constitue cette entièreté de l'être, et pour moi, c'est cela qui est important. Voilà, ce qui me paraît être en jeu. Là encore, permettez-moi, cher ami, de vous critiquer sur un autre mot que vous venez d'employer. Pour moi, j'ai peur quand on critique le relativisme. Je suis un relativiste. Oui. Mais dans le sens fort du terme, le relativisme, en France, ça veut dire on n'a plus tout se vaut, enfin, etc. Ça. Non, Georg Simmel, moi, qui m'a inspiré, qui était un des penseurs que m'a transmis Julien Freund, il dit que le relativisme, c'est la relativisation d'une vérité unique et la mise en relation des vérités plurielles. Hein. Relativisation et mise en relation. Pour moi, c'est cela qui est en jeu actuellement. C'est difficile, mais de mon point de vue, il faut accepter cette idée-là. Et c'est ce qui est, je maintiens, excusez-moi de vous le rappeler, la vieille idée du vrai catholicisme. Hein, c'est-à-dire quelque chose où il y a des diversités et pourtant ça tient ensemble. Voilà. Donc oui, c'est du relativisme et en même temps c'est quelque chose qui fait qu'on va reprendre cette entièreté. C'est ça la création. Hein, ces éléments que l'on avait évacués sont constitutifs de ce que nous sommes et de ce par quoi nous agissons. On va reprendre cette entièreté et puis on voit ressurgir donc cette force invisible de l'imaginaire. La force de l'imaginaire, c'est bien le titre du livre de Michel Maffei-Soulier, à retrouver aux éditions Libère. Merci encore Michel Maffei-Soulier, je rappelle, professeur émérite à la Sorbonne et membre de l'Institut universitaire de France. Merci à vous, Valentin Schirmer. Pays qu'on enchaîne. 9 milliards d'euros pour les actionnaires de Total en 2021. Son PDG augmente son salaire de 52% et pour ses salariés, partagez-vous les miettes. Alors, d'où vient la violence? Selon le gouvernement, elle viendrait des salariés qui exigent pourtant seulement de pouvoir vivre de leur travail. Ce combat, engagé chez Total, Lubrizol, Lassim et dans tous les services publics et partout ailleurs, est légitime. Ça suffit de soutenir la violence patronale en accusant les salariés de défendre leurs droits de mener une grève illégitime, selon vous. Votre camp est celui des privilégiés. Votre méthode, c'est la réquisition, la matraque, le 49-3 pour ceux qui refusent de vous suivre. Vous méprisez le peuple. Vous n'avez que faire des conditions de vie des gens. Votre seul conseil, un col roulé pour l'hiver. Jamais on n'aurait cru entendre un tel niveau d'indignité et de mépris. Surtout quand on sait que 157 milliards d'euros d'argent public par an sont consacrés aux aides aux entreprises qui, pour une grande part, vont directement dans les poches des actionnaires. C'est plus que les budgets de l'éducation, de la santé, de l'environnement réunis. Vous refusez la conditionnalité des aides publiques. Même par l'impôt, vous refusez une réelle solidarité nationale. Ruissellement, loi du marché pour réguler l'économie. Plus personne n'y croit, mais ça reste votre dogme. Vous attaquez le droit de grève et vous refusez d'utiliser les leviers politiques pour seulement maintenir le pouvoir d'achat, comme l'augmentation du SMIC, l'augmentation du point d'indice des agents publics, l'augmentation des pensions et des minima sociaux. Seuls ces leviers sont capables de répondre efficacement à l'urgence de la situation. Notre économie en a largement les moyens. Les centaines de milliers de personnes qui sont dans la rue et ces centaines de milliers, voire ces millions qui les soutiennent, exigent des actes. Agir aussi sur pareil, c'est cette espèce de présentation qui consiste à dire que c'est le PDG de Total qui va chercher le pétrole et que les travailleurs du pétrole en France exploitent les autres. Je veux dire, il y a quand même faut mesurer, mesurer quand même les mots dont on est en train de parler. Quand aujourd'hui il y a 100 000 salariés, 100 000 salariés à peu près. Juste une remarque, les salariés de Total sont aussi actionnaires de Total. Oui, 8% ils sont tous de Total. Mais j'ai l'impression, j'ai l'impression que tout va toujours bien. Non, mais bien sûr. Et puis c'est même plus que ça. C'est toujours bien. Et d'ailleurs, comme dit un ami ex-syndicaliste de Continental, Xavier Mathieu, propose que puisque la direction Total ne dit que la vérité, eh bien les salariés de Total restent en grève tant qu'ils gagneront pas 5 000 euros. Parce qu'on en est loin. On en est très très loin. Et on s'étonne de ne pas voir les blocages des raffineries avec des Porsche, Cayenne et compagnie. Faut arrêter au bout d'un moment. Moi, je propose une chose simple, c'est que les 2,6 milliards d'argent accordés aux actionnaires, on le donne aux 100 000 salariés du monde entier. J'ai fait le calcul, ça fait plus de 1500 euros d'augmentation par mois. Juste pour donner par salarié total dans le monde. Ça donne une petite idée. Ça donne une petite idée du décalage dans lequel et qui saute aux yeux. C'est-à-dire, on parlait du côté des discours politiques qui s'accumulent depuis des années et des années qui viennent nous faire en plus de tout. C'est là où je vous dis, je reparle d'insultes à l'intelligence humaine. Vous dites, mais écoutez, de toute façon, ne vous occupez pas de ça. D'abord, l'économie c'est très compliqué et votre sort est entre les mains des entreprises parce que c'est les entreprises qui créent les emplois. Grand mythe extraordinaire. Les entreprises, notamment les plus grandes entreprises, ne créent aucun emploi. Elles achètent des emplois. Et c'est toute la différence. C'est-à-dire que c'est nous tous, 85% de la population, avec notre force de travail, manuelle ou intellectuelle, qui nous vendons sur le marché, ceux qui font les missions, tous autant compris, tous ceux qui nous regardent. Nous vendons notre force de travail dans l'espoir d'être embauchés. C'est notre activité qui crée les richesses et personne d'autre. Puisqu'on parle des chiffres, en l'occurrence, d'après l'OCDE, je vous parlais de productivité, une heure en moyenne de travail, aujourd'hui, crée 70 euros de richesse. En moyenne, on n'en touche que 18. C'est parti où ? La différence. Vous parliez de Marx, ça s'appelle la plus-value. La grande découverte de Karl Marx, en l'occurrence, c'est ça, c'est de nous expliquer que entre à la valeur ajoutée que nous donnons aux biens, aux choses, aux prestations, aux services sur lesquels nous travaillons et notre salaire, il y a un différentiel considérable. C'est-à-dire que tous autant qu'on est, entre le moment où on embauche, notre prise de service et notre fin de service, on valorise quelque chose. Soit on fabrique quelque chose avec des outils et des matières qu'on nous a mis entre les mains, soit on les complète, soit on les performe, soit on assure une mission, on les a valorisés. Et entre cette valeur ajoutée-là, dont nous sommes les uniques responsables, et notre fiche de paye, il y a une différence considérable. À l'époque, Marx pensait que c'était de l'ordre de la moitié. Autrement formulé, ce que je suis en train de vous dire, c'est vieux comme le marxisme. Si on s'arrêtait de travailler en moyenne dans la journée, là où s'arrêtent nos fiches de paye, on arrêterait de travailler en mi-journée. Le restant, on travaille gratuitement. C'est le surtravail qui est à l'origine de la survaleur et donc du profit.

Place pour tous au banquet de la vie, notre appétit seul peut se limiter. Que pour chacun la table soit servie, le ventre plein, l'homme peut discuter. Que la nitro, comme la dynamite, soit la pendant qu'on discute raison. S'il est besoin, renversons la marmite, mais de nos mots hâtons la guérison. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Revue de presse, alors pas seulement la presse écrite, hein, aussi radio, télé, internet, etc. Alors d'abord, mercredi 11 janvier 2023, Remiremont, la commune, à nouveau, sixième ville des Vosges, point d'interrogation. Du 18 janvier au 19 février prochain, une opération de recensement de la population sera menée à Remiremont afin de mettre à jour la démographie locale. Eh oui, oui, oui, la démographie de Remiremont. Il y a beaucoup, beaucoup de naissances et puis on crée tellement d'emplois dans les industries, les commerces locaux que, ben évidemment, il y a plein de gens qui arrivent à Remiremont pour trouver du travail, hein. Ah oui, le chômage, c'est pas la maladie numéro un de... Non. Ah non, tout va bien. Nos élus, ils ont bien travaillé depuis 30-40 ans. Ils ont créé plein d'emplois. Eh oui, il y a 6 millions de chômeurs en France, mais à Remiremont, il y en a beaucoup. Il y en a proportionnellement beaucoup moins. Hein? Tout va bien, Remiremont. Oui, oui, oui. Vous regardez les commerces qui ont fermé depuis 30 ans dans les rues de Remiremont. C'est peut-être pas un signe... Enfin, bon, j'y connais rien, moi, hein. Projet de loi nouveau nucléaire, le rapporteur Daniel Gremillet muscle le texte au Sénat. Ah, Daniel Gremillet qui muscle le texte. Mmh. Le premier axe vise à combler les angles morts, du texte et à définir une vision à moyen et long terme pour replacer l'énergie nucléaire au cœur de la planification énergétique. Ben voilà quelqu'un qui s'est collé, hein, il a étudié la question. Le deuxième axe entend garantir la sécurité et la sûreté des installations nucléaires face aux nouveaux risques liés au changement climatique et à la cybersécurité. Le troisième axe prévoit d'associer les collectivités et le public en veillant à la législation, à la réalisation, pardon, de consultations préalables et à la qualité des études d'impact à l'absence d'effets de bord en matière de fiscalité locale et de politique de lutte contre l'artificialisation notamment. Le dernier axe prévoit le renforcement de la sécurité juridique en encadrant certaines procédures dérogatoires, en veillant à l'accélération des contentieux et en facilitant la réalisation des travaux. Voilà. Alors ben oui, il faut développer le nucléaire, hein. Oui, oui, oui. Ben il faut bien que les cancérologues, il faut bien qu'ils vivent aussi, hein. Eh oui, et puis les autres, mais oui, allez, alors, faut pas toujours être mécontent de nos élus, hein. Eh oui, c'est nous qui les avons élus, directement, le député, et indirectement, le sénateur. C'est nous qu'on est responsables, ben oui, comme les Allemands étaient responsables de l'élection d'Hitler, en 1933. Ah oui, c'est les Allemands qui ont voté pour la Deuxième Guerre mondiale, là, en fait. Ah oui, 64 millions de morts. Bon, tout ça pour des élections, pour un petit bout de papier qu'on met dans une boîte, hein. Oh, c'est pas grave, un petit bout de papier, si je me trompe, le voisin, lui, il se trompera dans l'autre sens, donc ça fera un partout, la balle au centre, et puis ça n'aura pas de graves conséquences, hein. Eh bien oui, on peut penser ça, on peut espérer. 10,6% des adultes déclaraient en 2021 avoir consommé du cannabis dans l'année écoulée, selon l'Observatoire des drogues et des tendances addictives. Alors, est-ce que la montée du chômage et de la misère n'est pas en partie responsable de ce 10,6%, hein? Est-ce que, on peut toujours se poser la question, hein? Le pouvoir, le gouvernement, les gouvernements, eux, ils ont sans doute les moyens de répondre correctement à cette question-là, mais nous diront-ils la vérité un jour? Ont-ils intérêt à nous dire la vérité? Ça, ce sera à voir. 111,9 tonnes de cannabis ont été saisies en 2021 en France. 111,9 tonnes. Je me rappelle dans les années 70, hein, 80, quand un trafiquant de drogue se faisait prendre avec 50 ou 60 grammes de cannabis sur lui, c'était une grosse prise. Eh ben voilà, voilà une industrie qui a pris de, qui est dans l'expansion. Hein. Ah oui, les autres industries, elles vont plutôt, elles sont plutôt à la baisse. Il y a de plus en plus de chômage, mais du côté de la drogue, non, apparemment, ça, ils embaucheraient du monde. Hein. Et oui. Et si on donnait de la drogue aux chômeurs, aux électeurs? Point d'interrogation. Oh là là, ça c'est moi qui l'ai dit, c'est pas le journal. Hein. C'est moi qui l'ai ajouté dans la marge. Pour rire, si on peut rire de ces choses-là, encore, en attendant. 2022, année la plus chaude depuis 1900 en Lorraine. Voilà, alors c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui voyez. 220, les chômeurs retraités. Les chômeurs retraités... auront droit à une réduction. 220 bouteilles de vin jaune seront mises aux enchères le dimanche 5 février à Vouetteur à l'occasion de la 25e édition de la percée du vin jaune qui se tiendra les 4 et 5 février. Le thème de cette édition est un arbre de vie au thème porte-bonheur. Voilà, le vin jaune, un arbre de vie. Eh oui. Ça remonte le moral, quoi, hein. Ça remonte le moral des chômeurs, s'ils ont les moyens de se payer, hein, parce que le vin jaune, il paraît que c'est cher, hein. Il paraît, hein. Je sais pas. Quelle activité à 60 ans, situation des 60 ans 2021 en pourcentage? Emploi à temps complet, 41,4%. Les gens de 60 ans, 41,4%, oui. Inactif, 20,6%. Chômage et halo du chômage. Qu'est-ce que c'est que le halo du chômage? 7,5%. Un emploi à 55,3%. Voilà. Oui, bon, le chômage des vieux, le chômage des jeunes, le chômage en général. Ça fait gagner beaucoup d'argent aux milliardaires et ça fait perdre beaucoup d'argent à tout le reste de la population. Eh oui, le chômage permet d'enrichir les riches et d'appauvrir les pauvres. C'est une industrie très très pratique, très simple de le fonctionnement est très simple. C'est voilà, ça marche bien. Oui. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres à cause du chômage. Bernard Friot, spécialiste des retraites et retraité lui-même, cette réforme va augmenter le nombre des gens vulnérables sur le marché du travail. Il y a 2 ou 3 ans, France Stratégie avait estimé qu'il n'y avait pas besoin de cette réforme. Qu'en est-il? Il s'agit de multiplier les gens fragilisés sur le marché du travail pour faire baisser les salaires. Là, il y a besoin. C'est un besoin pour le capital. Eh oui, capitalismus ist ganz schwer, comme on dit dans les radios hard rock metal. Travailler toute sa vie pour arriver cassé à la retraite. Les syndicats vont debout contre la réforme. Beaucoup n'ont plus de travail à 50 ans. Eh oui, et on augmente la durée du temps de travail. C'est à la fois, ceux qui font ça sont à la fois des imbéciles et des salopards. Pas des salopards, des saloperies. Oui, c'est grave. Grave, très grave. C'est grâce au chômage que Adolf Hitler est arrivé au pouvoir en 1933. Eh oui, les gens en avaient marre de voter pour tel ou tel parti qui était impuissant, inutile et nuisible. Alors ils ont dit, ben voilà un nouveau parti qui arrive, là on connaît pas, ils ont encore pas été au pouvoir. Eh ben on va essayer pour voir. Ah ben ils ont vu. Deuxième guerre mondiale. Eh oui, alors actuellement les Allemands, ils travaillent longtemps, plus longtemps que dans les autres pays d'Europe. Ben pourquoi? Ben parce qu'ils ont un trou dans leur courbe démographique. Eh oui, il y a des trous, parce que les Allemands, après la guerre, ils n'avaient pas envie de faire des enfants. Ayant subi ce qu'ils avaient subi et ce qu'ils avaient fait subir aux autres, ils n'avaient pas envie d'augmenter leur population. Et oui. Alors maintenant, ben, il y a certaines branches où ça manquerait peut-être de main d'œuvre un petit peu, voilà. Alors bon, voilà. Hein? Ah oui, les conséquences à court, moyen et long terme. Le chômage, il a, et c'est comme un caillou qui fait des ricochets sur l'eau. Hein? Ah oui, il y a les conséquences à court terme, à moyen terme et à long terme. Voilà, il faut. Alors tiens, Macron, Sarkozy. Sarkozy 2010, Macron 2023. Les réformes se suivent. Point de suspension. On voit la tête des deux personnages, là, ils sont pas rigolos. Hein. Bon, si je dois attendre que tout le monde soit content pour agir, je repasserai tous les problèmes à mon successeur, signé Nicolas Sarkozy, octobre 2009. Ensuite, si on pense qu'il faut l'unanimité pour bouger, on ne fait jamais rien. Emmanuel Macron, septembre 2022. Voilà des gens bien. Ah oui, oui. Mais je pense qu'il faudra un jour, il faudra rouvrir des mines de fer ou des mines de charbon. Même si on n'a pas trop besoin de ça, ça fait rien. La rééducation par le travail. Rééducation par le travail. Oui. Pour certains hommes politiques qui ont été particulièrement malfaisants, on pourrait envisager un tribunal populaire qui condamnerait à 5 ans de travail à 400 mètres de profondeur, voilà, pour gagner le RSA, évidemment, pas gagner une fortune, hein, ah ben non. À l'hôpital, on n'en peut plus. FO, deuxième syndicat de la fonction publique hospitalière, a déposé un préavis de grève illimité à partir de ce mardi. Didier Birig, secrétaire général de la Fédération des services publics et de santé FO, explique les raisons de la colère à l'hôpital. La colère à l'hôpital. Le personnel de l'hôpital est en colère. Ah bon. Dans les hôpitaux, le manque de personnel est de plus en plus flagrant. Eh oui, ça fait des années que ça dure, ça fait des années que ça s'empire. Et oui, et puis on est étonné, voilà. Ouais, peut-être qu'on a mal voté, enfin que certains d'entre nous ont mal voté. Et oui, ceux qui ont voté à droite, eh ben ma foi, ils s'en prennent plein la tronche et ce n'est que retour des choses. Bernard Ben Saïd, en garde à vue pour prise illégale d'intérêt, patron du groupe AVEC. Bernard Ben Saïd a été placé en garde à vue lundi sur la base de soupçons de prise illégale d'intérêt et de détournement de fonds publics au sein du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble. La gestion des thermes de Plombières-les-Bains ne serait pas impactée. Alors Bernard Ben Saïd est le PDG de Doctgestio de la compagnie thermale de Plombières-les-Bains. Il fait l'objet d'une plainte contre X pour prise illégale d'intérêt dans sa gestion du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble. Voilà, alors groupe privé d'octogestion non commercial d'AVEC, A-V-E-C. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh ben, c'est pas de l'hôpital public, hein, c'est du machin privé. Oui, les cliniques privées. Qui sont destinés à soigner les gens, bien sûr, mais surtout à enrichir certains. Enrichir. Mais oui, il faut enrichir les riches, non? Allons. Bande d'ingrats. Si vous voulez pas enrichir les riches, alors là. Hein. Alors, tiens, une photo prise à Bruxelles en 2005 à la manif européenne qui a regroupé 3 millions de manifestants venant de toute l'Europe à peu près, hein. L'Union européenne. Alors la banderole là, elle fait tout l'argent de la rue. Il y a une trentaine de personnes derrière pour la tenir. L'Union européenne n'est pas seulement le capital. L'Union européenne n'est pas seulement le capital. Deuxième ligne. L'Union européenne, ce sont aussi les travailleurs. L'Union européenne, ce sont aussi les travailleurs. Troisième ligne, l'Union européenne, c'est aussi 19 millions de chômeurs. Eh oui, l'Union européenne, c'est aussi 19 millions de chômeurs en 2005. Hein? Depuis, l'Europe s'est un peu agrandie. Agrandie en nombre de pays membres de l'Europe, de l'Union européenne, et puis agrandie en nombre de chômeurs. Hein? Oui. Alors si un jour, l'extrême droite arrive au pouvoir, hein? Ah ben, faudra pas être étonné. Alors, on sera déçu, bien sûr, gravement déçu, mais étonné. On pourra pas être étonné. Allons. Allons les électeurs, allons les élus. C'est étrange de voir des gens qui ont colonisé toute la terre se plaindre de voir des migrants débarquer chez eux. Eh oui, c'est comme ça. Ah. Alors, énergie renouvelable, loi adoptée malgré un bug, ou bug, B-U-G, c'est bug, on dit, en français non, le U se prononce U, bug, il faut dire, ah bon, alors le français est en train de changer, on prononce plus le français comme quand on était à l'école, hein, à l'école on disait le U se prononce U, hein. Ah ben non, malgré un bug. Ah bon. Le projet d'accélération des énergies renouvelables insiste notamment sur l'éolien en mer. Objectif, créer 50 parcs pour atteindre 40 gigawatts produits. Et oui, on a 40 ans de retard, nous, en France, par rapport à ça. Ben oui, on a favorisé le nucléaire pour favoriser les actionnaires des sociétés qui fabriquaient les centrales nucléaires. Et oui, Westinghouse, Unzerweiter. Hein. Vosges Matin, du 7-11-22. Sport, 15 pages sur 30. 15 pages sur 30. Alors, si on ne s'intéresse pas au sport et qu'on paye un abonnement, peut-être qu'on n'a pas raison. Peut-être qu'on devra arrêter l'abonnement. Ah oui, oui. Alors, 12 pages d'hiver dans 2 tiercés, 16 pages de sport dans 10 de foot, deux mots croisés, 10 d'hiver, chômage, le mot chômage sur les 15 pages, chômage sur les, oui, 30 pages, sur le mot chômage n'est pas utilisé une seule fois, pas une seule fois. 15 pages de sport, mais le mot chômage n'est jamais utilisé. Il y a peut-être une partie de la population qui est pourrie. Une partie, oui, oui. Ceux qui ont voté pour Hitler en Allemagne, ben on a pu dire en 1945 que ceux-là, ceux qui avaient mal voté, ils étaient pourris. Ceux qui ont fait la guerre un petit peu partout en Europe, qui sont allés massacrer des millions de personnes, ils étaient pourris, ceux-là. Eh bien, oui, bon, ben faudrait chercher les pourris en France actuellement. Il doit y en avoir. Hein. Alors, par exemple, le plutonium, PU, le plutonium, eh bien, 24 390 ans avant qu'il ne perde la moitié de sa radioactivité. Et puis, il faudra 24 390 ans avant qu'il perde la moitié de ce qui reste, c'est-à-dire le quart. Il restera encore un quart. Eh oui, le plutonium. Ben, les centrales nucléaires, non, c'est bien, hein. C'est bien, on a des... Oui, c'est bien, le nucléaire. Bon, c'est bien pour peut-être détruire l'humanité qui a été cause de deux guerres mondiales, de beaucoup d'épidémies, de beaucoup de saloperies. Et peut-être que l'espèce humaine, elle ne mérite pas finalement de durer trop longtemps. Hein. Alors, élection, basse sur le rue. Rassemblement national 58, divers droite 295, Bellefontaine, RN 96, 290, Cleury 72, 224, De Martin 60. Bon, on va rester là, hein. Oui. Bon, les Vosgiens, ils votent bien. Non, ils votent bien, les Vosgiens. Oh, oh, ils ont pas peur du danger. Oh, ben non. Ils votent contre le mal. Pour le bien et contre le mal, les Vosgiens. C'est bien. Retraite, la fin des régimes spéciaux est un recul social, selon les opposants. Tirer tout le monde vers le bas n'aide pas à améliorer la situation. Eh oui, oui. Vous constatez tous les jours que les droits de l'homme sont bafoués aisément en France. Oui, déclare le président des droits de l'homme de Neuchâtel. L'hôpital m'a sauvé la vie, témoigne Jean-Noël Claude. L'hôpital de Remiremont. Hein? Ouais. Oui. Prison avec sursis pour le chasseur qui a tué Morgan Kane. Oui. Tuer quelqu'un, ça peut faire de la prison avec sursis. Hein? Oui. Ça dépend. Ça dépend qui vous êtes et ça dépend sur qui vous tirez et dans quelles circonstances. Hein? Alors, politique présidentielle 2027, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat à sa succession. Écrit Vosges Matin du vendredi 13 janvier 2023. Ben, qui vivra verra, hein. Hein. Alors, Wikipédia. Voilà des informations qu'on trouve sur Wikipédia, qu'on trouve pas sur les journaux. Les vrais journaux, ils s'intéressent pas à ces choses-là. Les vrais journaux. Adolfo Kaminski. Ou Adolf Kaminski, né le 1er octobre 1925 à Buenos Aires, est mort le 9 janvier 2023 à Paris, est un photographe et résistant français, spécialisé dans la fabrication de faux papiers d'identité. Il poursuivra cette activité clandestine pendant 30 ans pour différents mouvements de libération et pour les personnes opprimées par des dictatures, s'interdisant toujours d'être payées. Résistant et faussaire, Adolf Kaminski est né de parents juifs russes, alors établis en Argentine. Sa famille s'est installée en France en 1932 à Paris, puis en 1938 à Vire, dans le Calvados. Après une ultime année de scolarisation, durant laquelle il se familiarise avec l'imprimerie, il travaille à la SGE, Société Générale d'Équipement, vite réquisitionnée par les Allemands après la défaite, puis dans une teinturerie où il se passionne pour la chimie des colorants. Il crée son propre laboratoire à l'aide d'un pharmacien virois. Il parvient à travailler comme stagiaire dans une laiterie, comme assistant d'un ingénieur chimique. Voilà. Alors il sera interné par les Allemands à la prison de la Madrerie à Caen, puis transféré à Drancy une semaine plus tard. En janvier 1944, il sera libéré grâce à l'intervention du consulat argentin. Âgé alors de 18 ans, il entre dans la résistance dans un laboratoire clandestin à Paris, dirigé par Maurice Cachou du MLN, Mouvement de Libération Nationale, sous le pseudonyme de Julien Keller. Il passe le reste de la guerre à fabriquer des faux papiers d'identité, permettant ainsi à de nombreux juifs d'échapper aux persécutions. À la libération de Paris, il est engagé par les services secrets militaires français, mais il démissionne au moment des prémices de la guerre d'Indochine, par refus de collaborer à ce qu'il assimile à une guerre coloniale. Vous voyez, il y a des gens courageux, efficaces, utiles, courageux, de gauche.